Bonsoir tout le monde, bienvenue dans Grand Prix, votre émission 100% Formule 1 sur NextGen Auto. On va revenir ensemble ce soir sur le Grand Prix d'Italie qui a eu lieu ce week-end à Monza, qui a été remporté par Charles Leclerc pour le plus grand plaisir des tifosi devant Oscar Piastri et Lando Norris. On va évidemment revenir un peu sur toutes les choses qui se sont passées en course, puisqu'il y a eu quelques controverses, il y a eu quelques débutants dans le week-end, il y a eu pas mal de choses qui se sont passées, des consignes, des non-consignes, donc voilà, il y a eu des stratégies à un arrêt, des stratégies à deux arrêts, on a pas mal de choses à aborder, quelques petites news qui sont tombées aussi dans le week-end, et puis avant et un petit peu après. On va être deux ce soir, on est en service minimum, on va dire, pour revenir sur ce Grand Prix et faire le débrief. Avec moi, évidemment, il y a Franck, ça va Franck? Salut Manu, salut tout le monde, bah écoutez, oui... Alex, qui avait pronostiqué une victoire de Verstappen, n'a pas eu, n'a pas assumé. Donc voilà, il a déclaré forfait pour ce soir. C'est ça. Voilà. Alors que nous qui avions parlé de victoire de Ferrari et de Leclerc, on est venu triomphant évidemment. Exactement. Pour dire à quel point on avait raison. Je nuance quand même, j'avais dit victoire du cœur Leclerc, victoire de la raison Norris. Mais c'est vrai. Et moi j'avais dit Leclerc, Norris, Sainz. J'avais pas pensé au fait que Piastri ferait chier. Non, mais en tout cas, voilà. Donne le ton là, direct. Non, mais en plus, j'en veux pas spécialement à lui. Évidemment, on reviendra tout à l'heure là-dessus. On va faire les équipes dans l'ordre, comme d'habitude. Pour revenir un petit peu sur ce Grand Prix qui a été. Bon, qui a pas été la course la plus animée de la saison, mais qui a quand même été un petit peu tendu, on va dire, notamment sur le muret des stands pour diverses équipes. Alors évidemment, moi je pense qu'on peut rentrer dans le vif du sujet parce qu'on a quand même pas mal de choses à aborder avec Ferrari qui a donc gagné ce Grand Prix. Alors c'est vrai que nous on l'avait vu parce qu'on se doutait que Ferrari serait rapide en course sur un circuit où pourtant les pneus, enfin on savait que les pneus seraient mis à rude épreuve puisqu'il faisait 55 degrés sur la piste au moment du départ. C'est vrai que c'était une température très très chaude et pourtant Ferrari a très bien géré les pneus et a su, et surtout Charles Leclerc en particulier, a su aller au bout avec un seul arrêt. C'est une tentative qu'ils ont faite puisque eux n'étaient pas les favoris, contrairement à McLaren qui a assuré les deux arrêts de manière prudente et qui a perdu avec ça. Mais Charles Leclerc s'est qualifié quatrième et puis il a fait la course d'attente et la course qui lui a permis de rester en tête avec une belle avance quand même et de ne pas être rattrapé par les McLaren. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu l'aurais vu avant le week-end faire cette stratégie ou est-ce que tu pensais quand même que ce serait limite, enfin, ou est-ce que tu pensais en tout cas que les autres pourraient peut-être aussi faire un arrêt puisqu'on avait au départ Pirelli qui nous avait dit qu'il n'y aurait qu'un seul arrêt pour tout le monde? Ah, c'est chaud. En tout cas, Vasseur nous assurait que eux, c'était à peu près sur les cartes dès le départ. Donc, après, effectivement, pour que ça passe, c'était autre chose. Ils ont vu effectivement McLaren partir sur un gros rythme, hein, surtout Piastri qui était devant. Donc, ils ont dû se dire bon, ok, eux, ils vont partir sur deux arrêts. Le fait que Leclerc s'arrête à peu près aussitôt, évidemment, je pariais pas non plus sur un seul et unique arrêt, mais bon, finalement, c'est passé. Du coup, on retrouve là une des forces de Ferrari qui était une faiblesse l'année dernière, hein, qui saura bien gérer ses pneus en course. Et c'est pour ça qu'on a vu un Vasseur un petit peu confiant aussi avant le départ. Parce que, certes, les qualifications, ils étaient pas du tout en première ligne, ni même en deuxième. Mais c'était leur stratégie un petit peu de capitaliser sur ce rythme de course. Et finalement, de réussir à faire passer cet arrêt unique. Alors bon, on a plaisanté un petit peu entre nous en espérant que Leclerc soit au poids à l'arrivée. Il n'a pas mangé trop de gomme. Il n'est pas du tout le seul à avoir tenté un seul arrêt. Il y a eu d'autres équipes. C'est vrai que c'était, d'après Pirelli, la stratégie la plus rapide quand même. Donc voilà, c'était celle qu'il fallait adopter. Alors bravo à Ferrari parce que franchement, je ne le voyais pas venir non plus. Hein. Au bout d'un moment, je pensais vraiment qu'il allait copier McLaren et faire deux arrêts. Après, quand ça s'est prolongé un petit peu, on s'est dit est-ce qu'ils vont pas tenter le truc quand même? Puis on a vu Piastri revenir à un coup d'une seconde et demie au tour à chaque fois. On s'est dit bon, ça surtout sur Sainz, hein, c'est vrai qu'il l'a, ouais, il l'a remonté à une vitesse, c'était assez inquiétant. Et finalement, après, les pneus se sont stabilisés et Leclerc il a vraiment adapté le rythme qu'il fallait. Il a perdu juste ce qu'il faut et même pas trop encore parce qu'il a quand même une certaine marge à l'arrivée. Là, tout simplement, bravo Ferrari, c'est enfin une victoire à la stratégie. Magnifique, des victoires dont on rêvait il y a 2-3 ans quand la voiture était plus dominatrice que ça et que la stratégie à l'époque de Binotto c'était vraiment pas ça. Alors, on s'en rappellera tous du nombre de fois on a pesté devant nos écrans sur la stratégie de Ferrari. Là, il faut dire quand même que depuis l'ère Vasseur et depuis cette année surtout, c'est. Bah depuis que, depuis qu'ils ont fait les changements et qu'il a mis sur le côté Inaki Rueda, hein, mine de rien. Ça tape quand même vraiment très très juste. Et puis bon, à domicile, évidemment, quelle ferveur à chaque fois. Parce que tout le monde le reconnaît, même Mercedes, ils ont fait un petit tweet, un petit post. Même McLaren a eu des messages aussi. Enfin, quand tu vois la ligne droite remplie de fans qui sont là pour célébrer la victoire de Leclerc, c'est magnifique, ça c'est sûr. Tu peux pas égaler l'ambiance Ferrari, Monza, le Fratelli d'Italia qui évidemment en plus... Certes, un hymne national, mais en plus un hymne national qui est extrêmement. Je connais pas les paroles, je sais pas si ça se trouve, les paroles sont peut-être très guerrières comme la Marseillaise, hein, mais qui sont assez réjouissants et assez chantants, en fait. Chantonnant, et évidemment, ça met toujours l'ambiance dans les tribunes. Et là, effectivement, bah, sur l'envahissement de la piste qui se fait toujours de manière très ordonnée, il faut le dire, à Monza. Donc voilà. Et donc, malgré le fait qu'ils ont juste un bout de barrière pour des milliers de personnes, et finalement, c'est toujours assez. Ça passe toujours, effectivement. Et non, bah voilà, bah, on souhaitait effectivement une victoire un peu différente. On aurait été un peu déçu pour Charles qui gagne pas, enfin Charles ou Ferrari ou Sainz. Oui. Hein. Ça aurait été d'ailleurs Carlos Sainz, ça aurait fait une victoire le jour de son anniversaire. Il aurait effacé le dernier qui a réussi à faire ça, c'était Jean Alési en 95 au Canada. Et du coup, Jean Alési garde son voilà. Petit record à lui. Après, je sais pas si après, il y a eu d'autres victoires dans le passé, je crois, mais c'est en tout cas lui le dernier qu'il avait fait. Et voilà, non, magnifique victoire de Ferrari avec des évolutions aussi. Hein, on va en parler. Je pense que tu veux peut-être en parler effectivement, parce que tu as fait un listing un petit peu de tout ce qu'ils ont amené. Donc c'est assez impressionnant de voir qu'ils ont peut-être retrouvé les bons rails et le championnat constructeur, il n'est peut-être pas si plié que ça que pour McLaren. C'est ça, parce qu'ils sont pas très loin. Après, moi, je pense quand même que McLaren a l'avantage. Mais là, je voulais commenter ce que Felicis, par rapport au fait qu'on craignait que Leclerc soit sous le poids, a dit il a dû manger un repas copieux la veille. Et c'est une blague qu'a fait George Russell samedi en disant maintenant, il faut que je mange de la pizza pour être sûr de pas perdre le. Leclerc mange toujours une pizza samedi soir. Il avait dit à Monaco, quand il a gagné à Monaco, il a fait un petit documentaire qu'il a fait pour Canada, il a dit qu'il mangeait toujours une pizza le samedi soir. Donc, comme quoi, manger des pizzas, ça vous réussira. Et du coup, d'ailleurs, merci à Felicis qui s'est abonné avant le début de l'émission. Alors moi, je voulais quand même d'abord souligner, avant de souligner les progrès de Ferrari, je voulais souligner la course de Leclerc, parce qu'il y a eu plusieurs choses qui ont montré qu'il a vraiment fait une course hallucinante. C'est-à-dire que, déjà, il a réussi, quand il s'est arrêté et tout ça, à avoir un meilleur rythme et à être plus rapide que Sainz, et pourtant à faire durer ses pneus plus longtemps, puisque Sainz a été moins rapide après l'arrêt, et en fait s'est effondré à la fin. C'est aussi pour ça que Piastri est revenu sur Sainz et pas sur Leclerc, parce que Leclerc a réussi à rester devant, et la raison pour laquelle il a réussi à rester devant, c'est parce qu'il a piloté de manière, enfin il a soigné ses pneus au point de vraiment leur chuchoter à l'oreille, comme on dit, parce que en fait ce qu'il faisait, c'est qu'à la première chicane, quand il passait le deuxième virage lent, il laissait la voiture se dériver toute seule en fait avant de réaccélérer, et il réaccélérait ensuite une fois qu'elle était en ligne droite, et dans la parabolique il mettait un grand coup de volant au début pour l'inscrire dans la voiture, et ensuite il relâchait tout doucement et il laissait en fait la sortie se faire quasiment en ligne droite, de sorte à ne pas avoir la poussée maximale au moment où la voiture était encore sur la latérale, et de ce fait là il a réussi en fait à moins mettre de pression et de force tout simplement sur le pneu avant gauche, qui était de toute façon le plus fragile pour tout le monde, puisque bah, notamment à cause de la parabolique, enfin la curva Alboreto maintenant, où le pneu morfle vraiment beaucoup. Et là, bah, voilà, il a réussi à faire ça, et bravo à lui parce qu'il a réussi à faire ça tout en gardant un gros rythme. Je pense qu'il n'a pas beaucoup sacrifié, et au final ouais, c'est vraiment impressionnant. Donc bravo à lui, bravo parce que cette performance est superbe, bravo à lui pour avoir remporté les deux courses les plus importantes pour lui, puisque les Monégasques et pilote Ferrari gagnent à Monaco et à Monza. Et j'allais venir, bravo à Ferrari pour avoir gagné deux courses avec Leclerc sur des circuits totalement différents, ce qui montre qu'on n'en est plus dans une Formule 1 où en fait c'est le circuit qui va jouer, parce que tout le monde a dit, tout le monde disait un peu pendant la pause estivale et après, oui là maintenant ça va dépendre des circuits, et les directeurs d'équipe souvent disaient, méfiez-vous, c'est pas que les circuits qui font le truc, et on le voit bien en fait, parce que à part McLaren qui est bonne, la McLaren est bonne partout je pense, mais les autres sont, ça s'explique pas par le circuit, ça s'explique par d'autres choses, notamment le fonctionnement des pneus, notamment la mise dans la fenêtre de fonctionnement, dans les réglages, on y reviendra pour Red Bull parce que c'est un de leurs gros problèmes, et eux c'est vraiment un problème qui est au-delà du réglage mais qui dépend des réglages, et voilà, et en fait bravo à Ferrari d'avoir quand même une voiture qui est complète. Alors certes c'est pas les mêmes packages à chaque fois, mais voilà, c'est vraiment impressionnant. Effectivement, ils avaient des évolutions. Alors, il y avait beaucoup d'évolutions qui étaient spécifiques au circuit pour améliorer réduire la traînée, améliorer l'appui, mais enfin l'efficience aéro. Mais il y avait quand même quelques petites évolutions au niveau du plancher notamment. Et à voir, parce que j'ai quand même l'impression que la Ferrari, de la même manière que la Mercedes, sera toujours un peu plus variable dans ses performances. Et là où la McLaren est toujours au rendez-vous, la preuve, ils gagnent à Zandvoort et ils jouent la victoire. En tout cas, ils ont le rythme pour jouer la victoire à Monza. Donc pour moi, il y a quand même avantage McLaren. Mais en tout cas, je pense on va avoir encore des surprises sur les vainqueurs de Grand Prix, notamment d'ici à la fin de saison. Et n'oublions pas que la prochaine course, c'est Bakou, où Leclerc est naturellement très très bon. Il a réalisé trois pôles là-bas de mémoire. Et il a toujours été très rapide. Donc je ne serais pas étonné que. Il y a Singapour derrière aussi qui est toujours favorable à Ferrari aussi. Qui était la seule victoire de Ferrari, la seule victoire non Red Bull l'an dernier. Donc effectivement, le championnat en plus, là, arrive dans un doublé de courses à partir dans 2 semaines et 3 semaines, où on pourrait avoir des surprises et encore une physionomie qui va changer. Un gros tassement en tête de championnat, je pense. Ouais. Ça peut être très intéressant. Ça peut être pas mal. Donc, Toto Polaire dit en Belgique, la McLaren, c'était pas ça. Ça va quand même, ils étaient pas mal en Belgique, McLaren, globalement. Finit sur les talons de Hamilton classé, effectivement. Ouais. Bon, après, c'est vrai que Mercedes avait fait comme la belle opération, quoi. C'est clair. Mercedes était un peu mieux adapté, un peu plus dans la fenêtre, comme tu dis, Manu, Ouais, c'est ça. sur ce circuit-là, mais McLaren n'était pas du tout à la rue, quoi. Non, c'était plutôt des questions de fonctionnement, de température de pneus que de voiture elle-même, en fait. En tout cas, voilà, pour Ferrari, c'est vrai que c'est bon, c'est grandiose. Pour Vasseur aussi, comme il a dit à Canal+, parce que Canal+ lui a demandé ce qu'il voulait tirer comme enseignement. Il a dit, mais là, j'ai pas du tout la tête à tirer d'enseignement. Là, je vais juste profiter parce qu'on gagne pas souvent à Monza. Et c'est vrai que pour lui, gagner dès la deuxième année à la tête de Ferrari à Monza, je pense que ça lui donne une durée de vie, même si Ferrari est pas championne tout de suite au niveau de la presse et des tifosi, qui fait que personne va le faire chier avant un petit moment, je pense, en Italie. Parce que mine de rien, c'est aussi très important pour eux, au-delà des titres, c'est les victoires à domicile. Ouais, le prochain objectif, ça sera Imola, Monza et Monaco. C'est ce qu'il dit dans un article qu'on va sortir demain, justement. C'est enfin, peut-être demain, ou je sais pas si ce sera demain ou un autre jour, mais bientôt en tout cas. Et où il dit justement que s'il avait 3 à gagner, il y a Imola à rajouter, mais que du coup, ça fait quand même 2 des plus importantes. Donc, ouais, bravo à eux. Et puis, effectivement, moi, je serais pas étonné de voir Ferrari gagner encore une ou deux courses au moins avant la fin de saison, puisque clairement, ils sont au niveau, et puis bah. En fait, c'est comme tous les pilotes d'équipe de pointe, on voit que quand on leur donne le matériel, en fait, ils font le taf et puis ils sont là, quoi, tout simplement. Hein. Parce que Leclerc est souvent critiqué pour son manque de victoire par rapport à son ratio de pôle et par certaines erreurs qu'il a faites en surpilotant. Mais en fait, quand la voiture est très bonne, il est capable de pas surpiloter et d'être parfaitement au niveau de ce que lui donne sa monoplace et même de la sublimer. Donc, ça, c'est bravo à lui. Moi, je trouve juste qu'ils ont sorti leurs évolutions au bon moment parce qu'il va y avoir Bakou qui arrive. Oui. Bakou, il y a une énorme ligne droite de kilomètres quand même. Mais il faut quand même un certain appui sur ce circuit. Donc, ils verront bien vite si leur problème de rebond oui. sera résolu ou pas. Donc, je pense que c'est assez aussi. C'est pas que pour Monza qu'ils ont sorti leurs évolutions. Évidemment, il y a toujours la C'est tentation sûr. de faire quelque chose de spécial à Monza à domicile. Et d'ailleurs, tout le monde arrive avec des ailerons plus ou moins. Si c'est nouveau, au moins retravaillé. On a vu les coupures dans les ailerons de McLaren, on a vu notamment aussi les coupures, les vagues dans celle de Red Bull. Mais Bakou, derrière, effectivement, ça va être un excellent test pour les. Voilà, savoir si ce plancher remanié, toute la partie aéro qui a été revue, si c'est vraiment ça qui va permettre de se passer du rebond qui était arrivé avec les évolutions qui étaient arrivées en Espagne. Donc, si effectivement c'est maîtrisé, qu'ils ont réussi à amener plus de charges là-dessus, ouais, effectivement, ils peuvent faire une très très bonne fin de saison. Pour le championnat constructeur, il n'y a absolument rien de perdu pour eux, si c'est le cas, hein, si vraiment ils arrivent, si vraiment ils ont maîtrisé ça, ils peuvent tout à fait embêter McLaren avec ça. Au Red Bull, évidemment, puisque bon, la dynamique n'est pas du côté de Red Bull en ce moment. Ah non. Et pourquoi pas, voilà. Après, pour le championnat pilote, malheureusement, je pense que pour Leclerc, c'est un peu trop loin, même beaucoup trop loin, on va dire. Je pense, ouais. Ça va vraiment jouer entre Verstappen et Norris, mais. Mais en championnat constructeur, il y a quand même quelque chose à faire. Alors, est-ce que tactiquement, c'est intéressant d'aller prendre la première place alors qu'on a besoin de développement pour 2026? Bon, personne ne va cracher sur un titre de champion du monde. Par contre, prendre la deuxième place et atterrir juste derrière la première, ça serait un peu rageant quand même. C'était pas meilleur plan. Mais c'est vrai qu'après, s'ils se remettent dans la zone, dans la lignée, dans la bataille pour le championnat, je pense que bah, ils donneront tout et puis tant pis pour le développement l'an prochain. Mais c'est vrai qu'effectivement, après, on est sur le théorème de Steak F1, hein, comme on dit, qui est très bien à sa 10e place et qui ne bouge pas trop pour être sûr d'avoir plein de développement l'an prochain. Mais oui, non, mais c'est vrai que ça va être. Alors, on peut pas vraiment dire qu'au championnat pilote, ça va être une bataille folle parce que. Pour l'instant, il y a quand même net avantage Verstappen, même si on va y revenir après. Lui est beaucoup moins sûr que ce soit si facile que ça. Par contre, c'est vrai qu'au championnat constructeur, aujourd'hui, on a trois équipes qui peuvent potentiellement gagner. Et au vu de ce à quoi on a assisté ces dernières courses, moi, je verrais bien Red Bull terminer troisième du championnat constructeur quand même. Parce que, sauf s'ils arrivent à miraculeusement comprendre le problème, mais là aujourd'hui ils sont pas du tout dans le rythme de McLaren, Ferrari et même Mercedes. Non, non. On en parlera devant Red Bull. Tout à fait. Au niveau de Ferrari, je pense qu'on a fait le tour. On nous demande si c'est la meilleure si Victor Leclerc est la meilleure performance de la saison. Individuelle, c'est pas la grosse performance quand même, même s'il fallait quand même, voilà, c'était le chuchoteur de pneus, c'était ouais. La performance. Après, Ferrari est quand même bien revenu dans le game, quoi. Donc, je ne peux pas dire si c'est la meilleure performance de la saison, c'est une très belle performance, ça c'est sûr. Inattendu, parce que je pense que pas beaucoup de gens voyaient Ferrari faire un arrêt face à McLaren et Mercedes. Mais c'est une très très belle performance. La meilleure, je sais pas, il faut se replonger dans toutes les courses de la saison. C'est une très belle performance, oui, c'est sûr. Mais la meilleure, je sais pas. Bah moi, tu vois, déjà, je mettrais quand même Norris à Zandvoort devant parce que l'espèce de démonstration qu'il a faite. Et puis Verstappen en a fait quelques-unes en début de saison qui étaient quand même pas moches. Je pense à Bahreïn notamment, je crois, où il éclate totalement tout le monde pour commencer la saison. Donc effectivement, ouais, c'est ça en fait, Lord Phoenix, c'est plus de la maestria. Il y a vraiment ce côté parfait équilibre entre performance et gestion. Là où on a vu des performances plus nettes plutôt dans la saison. Mais effectivement, ça n'empêche pas que ce soit une magnifique victoire pour Charles Leclerc et qui fait du bien parce que ça rappelle un peu à tout le monde qui le voyait déjà en disant oui, mais finalement, malheureusement, on dit toujours que les pilotes sont aussi bons que leur dernière course. Mais tout le monde dit, dès qu'il est un peu dans le mal, tout le monde dit Leclerc, il n'est pas au niveau machin, en oubliant totalement que Ferrari a des niveaux très variables ces trois dernières années. Et au final, Leclerc montre que dès qu'il a la voiture, il est au rendez-vous, quoi. Juste noter quand même que ces évolutions-là n'ont pas perturbé le fait que Vasseur, en voyant l'écart très faible en qualification, avait déjà le sourire, en sachant que la Ferrari est meilleure en course, et les évolutions n'ont pas perturbé ça. Et donc ça, c'est très intéressant pour la suite, parce que ça veut dire que si Ferrari n'arrive pas à jouer la poule, mais reste à 1 ou 2 dixièmes derrière, et puis à 3 ou 4, ils sont des prétendants extrêmement sérieux en course. Oui. Et ça a été donc prouvé à Monza, et donc ça, c'est effectivement un point fort qui a été conservé par les évolutions, donc à voir la suite. C'est vrai que ça a déjà été prouvé à Zandvoort, puisqu'ils étaient très loin en qualif, nettement loin, et oui, en course, ils étaient dans un rythme assez impressionnant, donc si... Et on le sait, on le dit toujours, en F1 moderne, le plus important, c'est pas de mettre la voiture sur... Alors, c'est important d'avoir un bon chrono, mais aujourd'hui, les 4 top teams sur un tour se tiennent en... On a vu, hein, Verstappen était à une demi-seconde, il était relégué en 7e place. Et du coup, c'est pas grave que la voiture soit pas parfaite sur l'exploitation des pneus tendres sur un tour. Par contre, le plus important, c'est qu'elle soit réellement bonne sur le long terme et les relais et sur tous les composés, surtout. Donc voilà, c'est. Zoas dit bonsoir, vous êtes mis d'accord pour faire des t-shirts en hommage au WEC et pas à la F1. Oui, c'est vrai qu'on a une petite. Un peu américain ce soir. Petite ambiance américaine, effectivement, mais voilà, on n'avait pas de t-shirt italien, tout simplement. Demain, vous retrouverez WEC Grand Prix avec Manu tout seul pendant 5 minutes sur Twitch. Alors, j'ai regardé la course, mais je ne suis pas allé au bout parce qu'après, il y a de la NASCAR et je ne pense pas pouvoir faire une émission complète dessus. Même si c'était super intéressant, évidemment, comme très souvent en WEC. Effectivement, Sim Tousflo, le top 6 se tenait en moins de 2 dixièmes. Hein, c'était très serré et c'est là aussi qu'on voit le retard pris par Red Bull. On en viendra encore après. Mais oui, Ferrari est dans le match en qualif, et à partir du moment où ils sont dans le match en qualif, ils sont carrément dans le match pour la victoire en course. Et ça, s'ils le font aussi à Bakou et à Singapour, je pense qu'ils seront, ils peuvent être favoris sur ces deux courses-là, malgré le fait que McLaren a toujours les meilleures voitures globales. Mais Ferrari a un petit truc qui fait que la voiture fonctionne très très bien. Je pense qu'on va pouvoir ce coup-ci passer à McLaren, parce qu'il y a beaucoup à dire sur McLaren. Alors certes, le résultat brut est très bon, hein, c'est deuxième et troisième. La voiture était la plus rapide. Ils auraient difficilement pu gagner de toute façon parce que la stratégie n'était pas la bonne par rapport à Ferrari. Néanmoins, il y a cette histoire de consigne, il y a le dépassement de Piastri au départ, on va devoir avoir les sujets à la suite. Et moi j'ajouterai un troisième sujet qui sera, est-ce que le fait d'avoir laissé Piastri devant au premier relais a pu leur faire perdre la course? Et je pense que potentiellement oui. Mais déjà on va commencer par le commencement. L'absence de consignes, alors les fameuses papaya rules qui ont été mis en place, qui consistent à leur dire en gros, ne vous accrochez pas, mais à part ça, faites ce que vous voulez. Et qui ont laissé la possibilité à Piastri d'attaquer Norris. Alors l'attaque se fait au virage 4, parce que Norris prend un bon départ ce coup-ci, là, le départ n'a rien à dire sur l'envol. Premier virage, il défend parfaitement, il ressort un peu moins vite de la première chicane, il se fait attaquer à la deuxième chicane, et c'est là en fait qu'il se fait passer par un Piastri un peu opportuniste, mais qui fait une très belle attaque par l'extérieur, qui arrive bien à enrouler, et finalement Norris est obligé de freiner pour ne pas s'accrocher, mais on ne peut pas dire que Piastri a pris d'énormes risques, il a pris un peu de risques, et peut-être un peu trop pour son coéquipier qui est quand même un candidat potentiel au titre, mais après, personnellement, à revoir l'action, je n'ai pas été si choqué que ça par l'attaque de Piastri, je ne sais pas ce que tu en penses toi. Non. Si du moment qu'il n'y a pas de consigne, qu'il a le droit d'attaquer, pour moi, c'est tout à fait légitime qu'il le tente. Après, Norris dit que s'il avait freiné un mètre plus tard, ils en parleraient peut-être autrement aujourd'hui. Ça aurait pu être un double accrochage, voire pire, un double abandon. Mais bon, le fait est que ça passe et que à Norris de s'adapter aussi à la position de Piastri en piste. Après, une fois que les freinages sont déclenchés, il est toujours difficile de freiner plus. Bon, là, il pouvait freiner un peu plus pour éviter de prendre la trajectoire normale et donc du coup d'aller embrocher Piastri qui avait, comme tu l'as dit, qui a enroulé par l'extérieur. Donc Norris a dû prendre une ligne beaucoup plus intérieure pour pas le toucher. Et du coup, effectivement, il a fait un petit écart à là-dessus et à Axel qui a permis effectivement à Charles Leclerc d'en profiter juste derrière. Donc, les papaya rules qui veulent qu'on s'attaque pas, qu'on s'attaque mais dans le respect, il faut peut-être aussi y penser à on s'attaque dans le respect mais on favorise pas un concurrent derrière. Et donc là, premier carton jaune pour McLaren. On va dérouler avant de critiquer plus largement les consignes chez McLaren, mais premier carton jaune, on va dire, sans trop de conséquences, mais peut-être conséquences. Voilà. Ouais, c'est ça. Pour répondre dans le chat, Yann nous dit, ça me rappelle le GP de Belgique 99 où Coulthard double Hakkinen, alors que celui-ci joue le titre. On se rappelle que la même année, Coulthard harponne Hakkinen en Autriche, donc là, eux, pour le coup, il n'y avait même pas de papaya roule ou de roule quoi que ce soit, c'est Coulthard qui faisait un peu n'importe quoi. Et Lambo Diablo nous demande, j'ai l'impression que Piastri a passé un cap, est-ce que McLaren avait prévu qu'il serait aussi bon? McLaren avait prévu qu'il serait aussi bon, clairement, parce que Piastri, c'est un des meilleurs jeunes pilotes qu'on ait vu ces dernières années. Et moi, je trouve qu'il progresse pas à une vitesse exceptionnelle, il progresse à une vitesse normale, parce que c'est déjà sa deuxième année, on est déjà dans la deuxième partie de sa deuxième année. Donc, c'est normal, par rapport à son talent brut et son niveau au départ, de le voir aujourd'hui où il en est. Pour moi, j'attendais pas moins de lui sur cette fin de saison. Mais effectivement, par contre, McLaren avait peut-être... Comment dire ? Je pense que McLaren a prévu, parce que de toute façon, sinon, ils auraient donné des consignes, en fait, tout simplement. Là, aujourd'hui, ils savent très bien que Piastri n'a aucun scrupule et qu'il ne va pas... si on ne lui dit pas de lâcher l'affaire, il ne va pas lâcher l'affaire. Donc, pour moi, c'est assez, assez clair là-dessus. Rien à dire sur cette action-là par rapport aux consignes données. On est d'accord. Pour moi, c'est vrai que ça m'a un peu... Sur le moment, ça fait chier parce qu'il prend un risque, mais en même temps, il a le feu vert de ses dirigeants. Du coup, pourquoi ne pas le faire? Et justement, on arrive au feu vert de ces dirigeants qui ont une petite chance de gagner le titre pilote. Et alors, Zach Brown a dit un truc, il a dit que dans la course, Norris a fait des erreurs au début et que du coup, ils n'allaient pas dire à Piastri de se sacrifier pour les erreurs qu'avait fait Norris. Et sur le moment, je me suis même demandé s'il ne parlait pas du championnat, parce que finalement, c'est un peu le cas. On a l'impression qu'il dit qu'en fait, Norris ne serait pas aussi loin de Verstappen, peut-être qu'il aurait directement la priorité. Mais je pense qu'il y a un côté où McLaren se dit, de toute façon, Norris a aussi été responsable du fait qu'il ait 70 points de retard aujourd'hui. Enfin, un peu moins maintenant, mais qu'il avait avant Monza. Et du coup, il ne lui faut pas encore de cadeau. Mais moi, je trouve ça vraiment dommage parce qu'on n'a pas l'occasion, en tant qu'équipe de Formule 1, d'avoir un titre de champion tout le temps. Et aujourd'hui, avec un Verstappen qui est dans le mal et Red Bull qui est vraiment dans les perdus, et un Norris qui était à 70 points avec 9 courses restantes... Il y a vraiment de la marge. Enfin, typiquement, s'il gagne et que Verstappen finit 6, il lui reprend déjà plus de 15 points. Il lui reprend 17 points. 18 s'il fait le meilleur tour, ce qu'il a fait. Donc, il y a déjà une volonté. Enfin, il y a déjà des points perdus, en fait. Et même là, il demande pas à Piastri de laisser passer pour la deuxième place. Et moi, c'est là où je trouve que c'est vraiment une erreur de la part de Stella et Brands, c'est de dire, bah, de toute façon, on verra si plus tard on a la possibilité d'avoir le titre. Alors qu'en fait, comme on le disait la semaine dernière, ils ont déjà plus le droit à l'erreur. Parce que eux, c'est eux qui ont 70 points de retard, et au moindre stop qu'ils vont se prendre, la course au titre, ça finit. Donc, moi, je trouve que c'est une erreur, je sais pas ce que t'en penses, toi. C'est une énorme erreur pour moi. C'est même, je veux dire, c'est presque une faute lourde à ce niveau-là pour moi. On aurait un Verstappen qui se serait loupé sur un ou deux Grands Prix et qui serait toujours en énorme forme avec sa Red Bull. Oui, effectivement, peut-être que tu sacrifies pas ton deuxième pilote. Deuxième, je dis deuxième pilote, c'est le deuxième pilote au championnat, c'est pas vraiment le deuxième pilote en tant que tel. Mais Red Bull est dans le dur depuis plusieurs courses et pas qu'un peu. Et là, moi, là où j'en veux à McLaren, c'est pour deux choses. C'est que effectivement, dès le départ de la course, ils savaient que Red Bull serait pas là. Donc dès le départ de la course, ils savaient que Verstappen allait se prendre un maximum de points dans la figure. Et dès le début du déroulé de la course, on le savait qu'il n'allait pas finir sur le podium, sauf miracle. On savait qu'effectivement qu'ils avaient l'occasion de pouvoir creuser l'écart. Donc, outre le fait qu'effectivement ils sont chamaillés entre guillemets au premier tour, et que ça fait perdre du temps à Norris, derrière, on cherche pas à capitaliser effectivement. Bon, ben voilà, Leclerc a gagné, meilleure stratégie. Ils n'ont pas non plus réinterverti la position. Enfin, il était clair dans le dernier tour qu'ils n'allaient pas choper, rattraper Leclerc, quoi. À moins que Leclerc se loupe magistralement une chicane, bloque ses roues, crève ou autre chose. Piastri pouvait pas les chercher, donc c'était l'occasion d'aller inverser les positions, parce que là, on ne parle pas d'une victoire, on parle d'une deuxième et une troisième place. Et c'était tout à fait logique d'aller récupérer, de redonner 3 points de plus à Norris. Même ça n'a pas été fait. Je pense qu'ils ont dû malheureusement attendre la vindicte populaire et médiatique, parce que là, ça y est, je crois que tout le monde leur est tombé dessus, pour leur dire qu'il est temps d'arrêter des conneries, quoi. Clairement, c'est favoriser Norris. Red Bull n'est plus dans le coup. Verstappen est complètement paumé avec sa monoplace. Et il y a une énorme opportunité à C'est le saisir. moment de prendre des points, hein. Exactement. Et ce n'est pas fait. Alors peut-être qu'ils attendaient une sorte de feu vert médiatique pour donner cette OK, on vous a entendu, on a compris, on va vous donner les consignes. Ouais, mais je veux dire, c'est accepté aujourd'hui en F1. C'est quand même depuis 2011 que la FIA est revenue sur le fait qu'on va donner les consignes en F1. Donc ça fait quand même 13 ans. Après les avoir interdits en 2010, puisque Ferrari avait fait sacrifier Massa. Et effectivement, alors autant des consignes en début de saison, personne n'en veut. Non. Autant des consignes entre deux équipiers qui peuvent se jouer le championnat entre eux, on n'en veut pas non plus. Autant des consignes qui peuvent permettre à une équipe d'en battre une autre, oui, totalement. Et mon axe d'attaque de McLaren, parce que j'avais un axe en fait pour ce soir, mon axe, c'est qu'ils ont tout fait pour garder Norris. Ils l'ont conservé face à Red Bull, qu'ils le voulaient absolument. Et là, ils ont l'opportunité, certes, plus tôt que prévu, de lui donner son premier titre ouais, pilote. De lui dire, bah là, c'est resté pour ça, en fait. Voilà, t'es resté pour ça, et on va donc jouer cette carte-là. Oscar, il vient d'arriver, oui, ça fait un an qu'il est là. Il est encore jeune, il n'est pas en position de gagner le championnat. Non. Beaucoup moins que toi, en tout cas. Mais il a 2 victoires de moins quasiment au championnat. Donc, eh ben, je suis désolé, Oscar, il va comprendre qu'on te favorise maintenant, et si la voiture est toujours aussi bonne l'année prochaine, eh ben, ça sera à vous deux de vous départager en début de saison. Ensuite, on favorise un des deux, et on n'aura pas d'a priori. Mais là, la situation au championnat, elle est un. C'est Norris qui est en tête, entre les deux, hein, je parle. Oui, bien sûr. C'est Norris qui a été conservé de force face à Red Bull pour le faire jouer un championnat pilote. Là, l'occasion, elle est trop belle pour être manquée. Et malgré cela, ils n'arrivent pas à dire à Oscar, et je pense qu'Oscar, il le comprendrait totalement. En plus, c'est ça, parce que lui, il a dit, moi, j'ai pas de consignes, et Lando n'est pas assez en avance, mais du coup, si McLaren lui expliquait clairement, je pense qu'il le ferait. Enfin, voilà. Donc, mon axe, c'est ça, c'est que vous avez tout fait pour garder Norris, maintenant, rendez-lui l'appareil de vous avoir fait confiance, favorisez-le, c'est 8 courses. Ouais. Vu la forme de la McLaren et sur la trajectoire sur laquelle McLaren est, Piastri aura totalement le loisir de regagner d'autres courses. Et puis rien ne dit que Norris va tout le temps finir devant Piastri aussi pendant les prochaines courses. Mais si c'est le cas, Bah oui, désolé, Oscar, on va te priver de quelques courses, de quelques victoires s'il le faut. Mais en 2025, tout recommence. En plus, ces voitures, on sait très bien qu'elles seront peu ou prou celles de la fin de saison. Bah c'est ça, elles seront bonnes, les McLaren, quoi qu'il arrive. Elles seront forcément bonnes. Donc, tout sera à nouveau à jouer entre eux l'année prochaine. Donc, je ne comprends pas cette. Personne ne la comprend, en fait. Ils se sont fait tomber dessus par tout le monde, par les fans, par les médias, par la plupart des journalistes. Et je pense qu'il a fallu, en fait, un peu ce genre de claque médiatique, on va dire, pour leur dire, OK, on a entre guillemets, on a une sorte de feu vert à favoriser un de nos pilotes. Est-ce qu'ils vont le faire? Je ne sais pas. Mais ça commençait un peu à bouger dans les lignes dimanche soir. Après l'arrivée, c'était pas trop ça. Non. Quelques heures après l'arrivée, après avoir vu toutes les réactions dans le paddock, les réactions des fans et des médias, ça y est, on commence à se dire il faudrait peut-être bouger les Papaya Rules et inclure dedans, je suis désolé, des consignes très claires pour qu'il n'y ait pas ce genre d'accident au premier tour, clairement, parce que là, ça fait perdre bêtement du temps aux deux voitures, en tout cas à une des deux. Et deux, la version à l'arrivée, elle coûtait rien. Elle coûtait 3 points. Sur que Piastri finisse deuxième ou troisième à Monza, ça n'aurait pas changé sa vie. Il était juste dégoûté d'avoir perdu la victoire, donc de toute façon, il n'aurait pas été plus dégoûté de troisième. Donc voilà, bon, j'ai pas envie de passer 15 ans là-dessus parce que je pense que tout le monde est à peu près raccord avec moi. Après, je sais qu'il y a des gens qui sont ultra contre les consignes, mais il y a aussi beaucoup de gens qui voient en Norris le moyen d'arrêter le fait que Verstappen ait un quatrième titre consécutif et d'avoir une belle bataille en fin de saison. C'est voilà. Notre seul espoir. Donc c'est aussi un peu des consignes du style on veut une super fin de saison. Donc il y a aussi des moments où on veut des consignes et des moments où on veut pas des consignes. Et là, soyons clairs, tout le monde veut des consignes parce que ça permettrait d'avoir une super bataille de fin de saison. Sûr. On est d'accord. Mais c'est totalement justifié pour moi quand c'est deux équipes différentes. Pour moi, il n'y a aucun problème. C'est la Formule 1. C'est un sport individuel comme un sport d'équipe. Et dans ces cas-là, ça doit être un sport d'équipe. Et le deuxième pilote au championnat doit se sacrifier pour son numéro 1 au championnat, pas son numéro 1 de fait. Voilà. Ouais. Alors, je reviendrai après parce que j'ai une théorie sur le pourquoi ils ont changé un petit peu leur version au-delà de la vindicte entre le post-course et le post-débrief dans la soirée. Mais je voulais d'abord rebondir via un message de Finicis qui dit « Est-ce que Zach Estella n'ont-ils pas l'angoisse de blesser l'ego des pilotes ?» Mais là, c'est que l'ego de Piastri qui soigne parce qu'ils font une connerie en Hongrie, ils lui rendent la place, ça ok. Mais donc déjà, ils font perdre cette course à Norris où on commence à avoir un dessin potentiellement de candidat au titre en lui disant limite sous le ton de la menace, pense que tu auras besoin d'Oscar et en gros tu auras besoin de l'équipe et pense à ça. Et là il a eu besoin d'Oscar, il a eu besoin de l'équipe et on ne l'a pas laissé passer. Alors tout le monde m'a dit sur Twitter oui mais c'est parce que sa situation n'était pas la même. Peu importe, quand on dit à un pilote fais ce qu'on te dit parce que derrière tu auras un retour de manivelle, et bah faites-lui le retour de manivelle quand il y en a besoin. Ça servira à rien de lui faire gagner à Abu Dhabi s'il est déjà plus en lice pour le titre en fait. Donc au bout d'un moment il faut que les choses se passent quand elles se passent et surtout moi, je pense qu'ils ont vu, en fait, au débriefing, que la course aurait été totalement différente si Norris était devant au premier relais. Parce que le premier relais, quand ils le font, Norris est beaucoup plus rapide que Piastri. En fait, il a laissé la place, il a perdu un peu de temps et tout. Mais globalement, la perte de temps de Piastri au fur et à mesure des premiers relais du premier relais était beaucoup plus importante que celle de Norris qui restait beaucoup plus au même niveau et je crois que c'était à hauteur de 6 dixièmes au tour de ce que j'ai lu dans les analyses et ce que je l'ai vu dans les graphiques et en fait sur ces 6 dixièmes au tour s'ils avaient été appliqués sur toute la fin du premier relais en laissant passer Norris en tête en fait il aurait peut-être pu aller chercher Leclerc à la fin de course puisque faut pas oublier qu'il signe le meilleur tour à la fin de course. Encore une fois, Norris a vraiment quelque chose d'assez impressionnant sur la gestion des pneus. Et lui avait encore du jus dans ses pneus, donc il aurait pu aller chercher Leclerc. Et je pense que McLaren se rend compte que malgré les deux arrêts, ils auraient quand même pu avoir une chance de gagner et qu'ils se sont privés juste avec cette consigne-là, en fait. Pour moi, c'est ça qui fait qu'ils ont changé un petit peu de... C'est pour ça qu'ils ont changé un petit peu de discours et qu'effectivement, je pense qu'ils vont commencer à mettre un petit peu de consignes petit à petit. Alors, j'espère qu'ils vont le faire assez rapidement. Là, il faut des consignes claires maintenant. Je veux dire, là, il faut plus tergiverser. Quoi. Le temps presse. Oui. Le nombre de courses se réduit. Et si à Bakou, ils voient que Red Bull est encore en galère, ce qui est fort possible, parce que Bakou, Singapour, c'est pas trop leur tasse de thé ces derniers temps. Non. Il faut vraiment capitaliser là-dessus. Donc, C'est ça. Et surtout, s'ils ont Ferrari derrière qui retourne en forme et qui peut encore prendre des points en plus à Red Bull, donc là c'est... Et Mercedes, parce que, en fait, là, potentiellement, c'est assez spécifique Monza, et on verra ce qu'il en est à Bakou, mais si la forme de Red Bull se confirme, et que la forme de McLaren se confirme, il y a potentiellement du 15 points à prendre par week-end, et 15 points à prendre par week-end quand on a 60, ça veut dire que dans 4 courses sur 8, il est au cul de Verstappen au championnat pilote, donc le titre est loin d'être fini, Mais il faut que McLaren accepte que Piastri, il faut que Piastri soit consigné là-dessus, en disant tu n'entraves pas la marge de Lando. Je vais juste répondre au fake dans le chat qui s'appelle The Truman Show. Alors, The Truman Show, c'est moi. Hein, donc... non, je plaisante. The Truman Show qui dit ça parlait peut-être de clauses contractuelles du côté de Piastri. C'est en gros des clauses qui lui intéressent d'avoir des consignes d'équipe. Absolument pas. Non. Surtout pas. Piastri, il a signé chez McLaren. Il n'est pas arrivé en état de force en disant je serai le futur champion du monde en titre. C'était un rookie quand il a signé chez McLaren. Évidemment qu'ils doivent se plier aux consignes d'équipe. C'était un pilote alpine quand il a signé chez McLaren. Oui, il n'y a absolument aucune clause qui interdit à McLaren de le faire passer deuxième si besoin. Quoi. Je veux dire, là, c'est vraiment des affabulations pas possibles. Certes, Marc Weber, qui est son manager, a certainement soigné son contrat, mais jamais de la vie il a pu faire marquer dans un contrat. Et je pense que dans aucun pilote, interdiction de donner une consigne d'équipe à mon pilote. Quoi. Impossible. Clairement, impossible. Et Yann nous dit aussi, il y en a qui disent que seul le pognon du championnat constructeur intéresse Zach Brown, le reste est en secondaire. Mais en fait, le championnat constructeur, ils vont y aller, quoi qu'il arrive. Là, ils peuvent y aller, donc le pognon, ils vont l'avoir. Et surtout, ça voudrait dire que Zach Brown ne connaît pas la F1 et la portée d'un titre constructeur, d'un titre pilote, qui est quand même toujours ce que les gens retiennent. Parce que je pense que parmi les gens du chat qui connaissent un peu la liste des champions du monde pilotes, si je vous demande la correspondance des champions du monde constructeurs la même année, il y a beaucoup plus de fautes, parce que on connaît moins, en fait, tout simplement. On le connaît sur les trucs récents, mais sur les anciens, beaucoup moins. Et le rayonnement d'un titre de Norris, le numéro 1 sur la voiture l'an prochain, ce serait énorme pour eux. Ce serait quand même le premier titre, parce que le premier titre constructeur depuis 98, ils vont sûrement l'avoir, et ce serait le premier titre pilote depuis 2008. Donc c'est vraiment un retour en force. Et pour moi, si Zach Brown fait ça, c'est qu'il connaît pas la F1. Et vu ce qu'il a fait du projet McLaren depuis qu'il est arrivé, je pense pas qu'on puisse dire que Zach Brown ne connaît pas la F1. Parce que quand même, faut pas oublier où était l'équipe quand il l'a reprise fin 2016 et où elle est aujourd'hui. Et là-dessus, on peut pas lui en vouloir. Mais maintenant, il faut que McLaren accepte qu'ils sont candidats au titre mondial, au titre mondiaux même, puisque les deux titres sont pour eux, enfin sont dans leur portée, et que, il faut agir comme une équipe de champion du monde. Il faut savoir poser les consignes. Alors, ils ont déjà dit plusieurs fois qu'ils ont fait des stratégies qui n'étaient pas bonnes parce qu'ils avaient moins l'habitude que Mercedes ou Red Bull de gagner et de se mettre dans les positions. Et là, maintenant, c'est le moment de montrer que on apprend au fur et à mesure des courses et que là, on va dire, ok, maintenant, on privilégie Norris. Moi, je pense qu'ils peuvent encore le faire et s'ils le font à partir de maintenant, tout est jouable. Parce que Verstappen va prendre, si Norris garde sa forme et si Verstappen garde sa forme, Verstappen va prendre entre 10 et 15 points chaque week-end. Donc les 60 et quelques points, ils vont être vite amortis, hein, ça c'est certain. 62, oui, effectivement. Mais par contre, encore une fois, ça n'empêche pas qu'il n'y a pas beaucoup de droit à l'erreur du côté de McLaren là-dessus. C'est clair et net. J'essaie de trouver un peu s'il y a des questions à répondre. Alors, Yann qui dit Piastri est le nouveau chouchou. Je pense pas, parce que Norris, ils ont fait comme tu disais, Franck, ils ont fait des pieds et des mains pour le garder. Je pense que il n'y a pas de chouchou. Oui. C'est juste, je pense là, on est vraiment sur une espèce de. Pas de déni de ce qu'ils ont devant, mais je pense qu'il y a un côté où des fois il y a les pilotes ou les équipes se glacent un peu devant l'enjeu, se tétanisent un peu devant l'enjeu, et je pense que là on est exactement là-dedans. Et c'est vrai que des fois on le dit vachement sur la stratégie en course, où des fois on voit des erreurs stratégiques qu'ils ont faites, alors que nous, devant notre pauvre lifetiming, on dit mais là c'est une connerie qu'ils sont en train de faire. Et en fait, parce que des fois les équipes ont tellement le nez dans le truc qu'elles ne voient pas les évidences, en fait, tout simplement. Mmh. Et que ferait Piastri qui serait pas content? Il dirait je suis pas content et voilà, il irait pas ailleurs pour autant. Il ferait la gueule, mais de toute façon ailleurs il aurait une moins bonne voiture, donc. C'est ça, donc et puis il a pas son mot à dire non plus, donc. Non, comme je répétais, ils ont misé sur Norris qui a failli être subtilisé par Red Bull. Ils sont en avance par rapport à leur planning de titre, parce qu'ils passaient plutôt du coup à 2026 avec les nouvelles règles, avec les nouvelles souffleries, avec tout ce qu'ils ont mis en place à Woking. Là ils ont la chance d'être rentré dans un cercle hyper vertu en termes de développement de la voiture depuis 14 mois maintenant, c'est maintenant qu'il faut tirer les marrons du feu. Quoi. Ah, peut-être en 2025 aussi, évidemment. Mais qui dit qu'en 2025, une autre équipe n'aura pas plus progressé aussi et que ça soit à couteau tiré dès le départ et que ça se finisse encore une fois, mais pas à leur avantage. Là, ils ont la possibilité de marquer des gros points et d'assassiner la concurrence. Quand j'ai assassiné, c'est-à-dire de marquer pendant 4-5 Grands Prix, le temps que Red Bull trouve pourquoi leur RB20 ne va plus. 4-5 courses, peut-être le temps que Ferrari comprenne bien ses évolutions. C'est maintenant qu'il faut scorer. C'est maintenant qu'il faut... c'est money time, là. Voilà. C'est ça. Pour eux, c'est déjà money time. Et En fait, ce qui me rend un peu fou dans tout ça, c'est que je comprends pas qu'ils soient. Ils ne comprennent pas eux-mêmes qu'en F1, à partir du moment où tu as un espoir de titre, tu mises tout dessus. On se rappelle de BMW, enfin, moi, c'est vraiment l'exemple le plus tragique pour moi et le plus triste. BMW qui, après la victoire de Kubica au Canada, se porte en tête du championnat constructeur. Kubica est pas loin de la tête du championnat pilote, ou c'est l'inverse, je sais plus, mais bref, ils sont en lice pour le titre. Et du coup, ils disent, ah bah maintenant qu'on est au rendez-vous, qu'on a réussi à revenir au sommet, et ben ce qu'on fait, c'est qu'on lâche totalement la saison et on se concentre sur 2009 parce qu'il y avait un nouveau changement de réglementation. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont perdu les deux titres en 2008, qui pouvaient jouer largement parce que la voiture était. Ils venaient de signer le doublé au Canada et la voiture était très très bonne. Et 2009, ils ont raté leur voiture, ils étaient nulle part. Donc, conclusion, ils ont tout perdu, ils n'ont jamais eu le titre. Et le constructeur a quitté le championnat l'année suivante. Et en fait, du coup, c'est vraiment. Il n'y a pas d'option à avoir, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'hésitation. Il y a une possibilité d'avoir un titre, on y va, on le tente. Parce que, comme tu dis, même déjà l'an prochain, c'est pas sûr qu'il n'y aura pas une grosse évolution chez Ferrari ou Mercedes ou même Red Bull qui va faire qu'il n'y a pas une équipe qui va être légèrement devant. Et on a vu avec Verstappen qu'un bon début de saison peut permettre d'avoir ensuite un matelas suffisamment confortable. Et McLaren a quand même du mal à toujours faire ces petites transitions de saison. On l'a vu cette année où ils ont fait un petit pas en arrière avant de vraiment revenir en forme. Et. Ben ouais, c'est pas là maintenant qu'ils ont la possibilité, il faut y aller quoi. C'est comme tu dis, c'est maintenant ou jamais. Est-ce qu'ils ne cherchent pas à protéger Piastri par peur qu'il s'effrite comme l'a fait Bottas face à Hamilton? Mais là, on parle d'un tiers de saison et on parle d'un pilote qui est dans sa deuxième saison en Formule 1, qui a déjà gagné un Grand Prix cette année, qui sait qu'il a une carrière devant lui énorme. Encore une fois, Piastri, il est 2001, donc. J'irais même 2 mois, on parle juste de 2 mois en fait, parce que ça va tellement Oui, s'enchaîner que c'est ça. voilà, c'est. Ça va aller vite, quoi. Donc, pour moi, il y a zéro problème, en fait. Alors, Sobriété Dédiée demande bonsoir à quel constructeur BMW a-t-il vendu son écurie à Sauber, qu'il avait racheté, en fait, et qu'il a revendu à Peter Sauber pour 1 euro symbolique. Et ce qui a fait que, vu que la voiture était motorisée par Ferrari, c'était BMW Sauber Ferrari en 2010. Voilà, c'était pas très joyeux, mais bon, au moins l'équipe a survécu. Et aujourd'hui, elle est toujours là, donc c'était une bonne idée. Et oui, Piastri pourrait supporter les consignes, évidemment, il est largement solide pour ça. Évidemment, il débute sa carrière en F1 et il sait très bien que Et. s'il se met dans la position de nourrice un jour ou l'autre, c'est lui qui sera soutenu. Il n'y a C'est pas de ça. raison. Parce que finalement, si McLaren lui dit de toute façon, là tu vas à fond derrière Lando et à partir de 2025, même si Lando a le numéro 1, c'est remise totale à zéro, celui qui est devant aura la meilleure chance, et ben c'est quoi le problème? Lui après il est sûr de lui, on voit qu'il est pas loin de Lando, même s'il y a encore du travail sur plusieurs points, il faut le tenter comme ça. Est-ce qu'il y en a bien un des deux qui peut avoir la réputation de mauvais team player? Je pense que c'est peut-être plutôt Norris que Piastri. Parce que si Piastri se forge une image de mauvais team player dès le début de sa carrière, autant dire que pour la suite, ça sera beaucoup plus compliqué de trouver une équipe. C'est clair, hein. Parce que là, il est protégé pour ce qu'il a fait justement dimanche, parce que l'attaque était propre et parce qu'il n'y avait pas de consigne. Mais s'il refait la même chose alors qu'il y a une consigne, là par contre, ça change totalement la vision qu'il aura dans le paddock. Et on a vu avec Ocon à Monaco qu'une consigne non respectée, tu te fais incendier par tout le monde, patron d'équipe, fan, ton propre patron qui te trucide sur Canal+. Enfin, je veux dire, c'est. Alors bon, c'est peut-être pas partout pareil, mais. C'est pas un truc qu'on fait en tant que pilote, et je pense que oui, il râlera sûrement en interne, oui, il fera un peu la gueule si jamais il doit laisser passer Lando et qu'il perd une victoire, mais voilà, c'est. Mais Lambo Diablo, il faut quand même que Lando arrive à réussir ses départs, il l'a réussi à Monza. À Monza, il prend un super envol, il est devant en tête à la première chicane, c'est juste que Monza, c'est aspiration sur 2 km, et du coup, ben, c'est un peu le problème aussi. Norris fait beaucoup de pôles sur des endroits où il y a de l'aspiration derrière, en fait. Donc derrière, c'est compliqué. On se rappelle sa première pôle à Sochi, de la pôle en Espagne. Voilà, c'est des circuits où c'est pas gagnant, même à Spa, c'est pas gagnant Au moins qu'il la garde à d'être en pôle. Singapour, au moins si l'ampoule là-bas, ce serait peut-être pas mal. Oui, Singapour, normalement, il y a 300 C'est mètres, je crois, 400 mètres. ça. Ça devrait aller. Si là, il n'y arrive pas, on pense poser des questions. Mais il rate pas la chicane en sortie, Xoann, s'il se protège pour. Il peut pas tout faire, en fait. Il peut pas. Il n'y a pas de miracle. Il peut pas se protéger à l'intérieur et ressortir plus vite. Je veux dire, c'est. On peut pas lui en vouloir. Et s'il était resté sur la bonne trajectoire, il serait fait passer par l'intérieur. On aurait dit, bah, il s'est pas défendu. Au bout d'un moment, ce pauvre Norris, il a jamais la possibilité d'avoir raison. Alors là, je passe un petit coup de gueule parce que je le vois un petit peu dans le chat et je l'ai beaucoup vu sur les réseaux sociaux. Quand il fait une réflexion à Hamilton en cool room, tout le monde lui tombe dessus. Là, dimanche, Coolroom, il n'était pas très content. Il dit, bah, moi, ce que je vais faire, je vais rester un peu à côté. Il se fait conspuer parce que oh, bah, il fait la gueule. Et là, c'est pareil. On dit, ouais, mais du coup, il ressort mal et tout ça. Et, mais non, mais en fait, oui, il ressort mal parce qu'il s'est très bien défendu à la chicane. Malheureusement, derrière, c'est une chicane très lente avec une longue ligne droite, puisque le troisième virage, en fait, c'est juste une longue ligne droite et une longue accélération. Et bah, il ne peut pas tout faire. Il n'y a pas de miracle, en fait. Et des pilotes qui ont perdu leur position à cet endroit-là, il y en a eu des tonnes dans l'histoire de la Formule 1, donc il n'y a pas de miracle. Et moi, je trouve que son départ, son premier tour, il est nickel. Après, et il est d'autant plus nickel que quand il voit que ça va toucher avec Piastri, il se sacrifie pour ne pas qu'il y ait de contact, donc pour pas abîmer le fond plat ou crever son pneu, donc enfin le plancher de Piastri. Donc au bout d'un moment, il fait ce qu'il faut, il fait le taf. Et derrière, bah ouais, il repasse Leclerc. Et après, c'est là où, à mon avis, McLaren aurait dû appliquer une consigne. Parce que je pense que les ingénieurs ont dû voir que Norris avait plus de potentiel de vitesse. Et ça aurait, à mon avis, tout changé pour la fin de course. Spa 98, à l'époque de Twitter, on finirait tous ensemble les vêtements déchirés avec un bras en moins. Mais je pense surtout que Spa 98, David Coulthard aurait pris très très cher sur Twitter. Mais bon. Next. Oui, parce que c'est vrai qu'on a parlé de McLaren, on va parler de Mercedes. Qui a fini 5e et 7e. Alors, Mercedes, c'est un peu compliqué. On ne sait pas trop quoi en penser parce qu'ils sont jamais loin. Mais en course, là, pour le coup, il y a presque plus de potentiel en qualif qu'en course ces deux derniers week-ends. Et au final, petite déception quand même, petite frustration de les voir 3e force net, quoi. Ouais, ils ont un petit peu de problème en course, toujours pour avoir le bon rythme. Alors certes, par rapport à Zandvoort, c'est un gros pas en avant quand même. C'était un peu dire que Zandvoort, c'était un petit peu un faux pas. Ça reste mieux que Red Bull quand même, à signaler. C'est pas très loin de McLaren Ferrari, ça joue pas la gagne non plus. On se souvient d'ailleurs que la semaine dernière, quand on allait chercher à faire des pronos, on a dit, voilà, Ferrari, McLaren, Mercedes, ça peut jouer. Mercedes, ça aurait très bien pu jouer. Je pense qu'au niveau des réglages, c'est pas encore tout à fait ça, et surtout au niveau de la constance en rythme de course, on n'est pas encore au top niveau. Donc voilà, c'est qualif un peu raté d'Hamilton aussi, voilà, bon, qui s'en voulait aussi, voilà, qui aime bien s'auto-flageller aussi. Il s'est auto-défoncé. C'est ça. Il a dit, du coup, et ça permettra de faire la transition, parce que j'ai pas envie de passer non plus de 3 heures sur la course de Mercedes, qui était voilà, à sa place, qui a quand même dit, j'espère quand même que Kimi... Il a dit peut-être que Mercedes aura plus de chance avec Kimi Antonelli. Voilà, donc la transition, elle est toute trouvée avec Kimi Antonelli, donc ça y est, qui est enfin confirmé. Donc bon, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui en doutait encore. Et qui, pour fêter ça, a cassé la voiture vendredi. il a pris ça pendant la pause estivale. Et donc voilà, il y a eu un petit coup de fil avec réunion, convocation avec tout le monde, hein. Il y avait Bono, il y avait Toto, il y avait tous les ingénieurs qui étaient là. Il dit, là, il y a peut-être quelque chose qui est en train de se jouer. Oui, quand tu reçois un appel comme ça, tu te dis pas que c'est juste pour te souhaiter de bonnes vacances. C'est ça, donc c'était au moment où effectivement, voilà, du coup, les fermetures des négociations avec le clan Verstappen aussi. Donc voilà, bah, confirmé au volant de la voiture. Et effectivement, voilà, la confiance, quoi. Là, voilà, ça, on va appeler ça la grande confiance. Bon, voilà, il a été très très vite pardonné par le grand patron directement à la radio. Bon, c'est vrai que ça faisait quand même un peu brouillon quand même. Hein. Sortir la voiture au bout de 10 minutes sur son deuxième tour rapide, c'est un peu too much. Bon, l'explication donnée, c'est qu'effectivement, il n'avait pas encore en tête que les pneus arrière de la Mercedes se surchauffent un peu vite, et du coup les pneus arrière étaient un peu surchauffés au moment d'arriver dans la parabolique, et c'est ce qui aurait provoqué sa perte de vitesse. Moi, honnêtement, je pense que pneus arrière surchauffés ou pas, visuellement, on sent quand même qu'il rentre très... Moi, je pense qu'il a méchamment pris la confiance, parce que son premier tour s'était bien passé, et que le deuxième tour, il était en avance, il s'est dit, allez, c'est bon, là, j'y suis, et en fait, il n'y était pas du tout, mais... C'est ça. Bon, après, il vaut mieux aborder la F1 en disant, bon, bah, ça, j'y suis maintenant, je vais pas y aller. Ouais. Si on y arrive à tâtons au fur et à mesure et qu'effectivement on n'arrive pas à se débloquer non plus le cerveau. Je sais plus. Pardon, il est fini. Ouais, oui. Donc du coup, pourquoi pas. Mais là, c'était quand même un cran trop fort quand même. Hein. Ouais, c'est ça. Voilà. Mais je sais plus qui a dit dans le week-end, c'est peut-être Gaëtan Vigneron que j'ai entendu dire ça. C'est plus intéressant, enfin, c'est mieux pour Mercedes de devoir lui apprendre à aller moins vite plutôt que de devoir aller plus vite. Là, bon, après, c'est vrai que du coup, ça ruine leur coup de com', et puis ça fait des jolis mèmes sur Twitter avec les têtes de Wolf et de Russell quand la voiture s'est retrouvée dans le mur. Mais au final, de toute façon, ça n'enlève rien au potentiel d'Andrea Kimi Antonelli, qui est là-dessus, je pense que Mercedes ne lui confierait pas le volant de la voiture s'ils n'avaient pas noté un potentiel énorme. Il ne faut pas oublier que Là, je voulais faire un petit point aussi parce qu'on parle de lui et on parlera après de Franco Colapinto et de Liberman. Et au final, c'est des pilotes qui sont critiqués parce que leur saison de F2 n'est pas parfaite. Mais en F2, il y a énormément de problèmes de voiture. Et il y a des grosses polémiques qui montent sur le fait que la F2, pour limiter les coûts, réutilise des moteurs déjà utilisés. Et qu'en fait, les pilotes n'ont jamais les mêmes moteurs et jamais les mêmes fraîcheurs de moteurs. Et en fait, je pense que les équipes de plus en plus ne se contentent, enfin, ne regardent pas trop ce qui se passe en F2 pour juger un pilote. Elles regardent ce qui se passe dans leur simulateur, dans le simulateur des équipes constructeurs avec lesquelles ils sont. Et quand ils les mettent en essai libre, ils voient ce qu'ils font dans la voiture. Et au final, Antonelli a ses essais libres après avoir fait des kilomètres dans une Mercedes de 2022 et des kilomètres dans le simulateur où Mercedes a toujours dit il est très très bon. Et Colapinto a eu sa chance parce qu'il a fait les essais libres 1 à Silverstone et qu'il a bouffé des kilomètres dans le simulateur et que Williams a dit il a le niveau. Et effectivement, le niveau qu'ils ont dit qu'il avait dans le simulateur, il l'a montré en piste, on y reviendra aussi. Donc je pense que si Mercedes fait tout un pataquès autour d'Antonelli, c'est qu'il a le niveau. De toute façon, encore une fois, on ne fait pas fréquat tout Formula One en 2 ans sans un très bon potentiel. Maintenant, voilà, c'est mais tous les pilotes font ça. Hamilton avait cassé la McLaren dans les essais hivernaux 2007 et bah je crois que on a un petit peu oublié après sa carrière que il avait cassé la voiture le son premier hiver, donc c'est pas grave en fait, c'est des essais libres. Russell a pas été trop pénalisé, voilà, je pense que quelques pièces quand même qui ont été sacrifiées, hein. Il y a eu du coup le stock de pièces parce qu'il y avait toutes les nouveautés aussi sur la voiture de Russell, évidemment le stock était limite, c'est ce que Russell avait dit. À part ça, il n'y a pas eu trop de conséquences. Alors, si, après, Russell a quand même dit que ça avait quand même un petit peu manqué le début des livres 2, donc ouais, histoire de faire d'appuyer un petit peu là-dessus, mais sinon, ça n'est pas plus pénalisé que ça sur leur week-end. Quoi. Oui, je pense que les pilotes sont toujours contents de pouvoir dire oui, mais il m'a manqué une saison, une séance, du coup, j'aurais pu faire vraiment mieux, tu vois, parce que comme, c'est toujours un moyen de dire. Petite excuse. Voilà, c'est voilà. Ça, petite excuse. Mais voilà, quoi, donc. Alors, Xoan se dit, on y reviendra plus tard pour Colapinto. Mais non, voilà. Donc Antonelli, bon, c'est le petit, comment dire, le petit obstacle, mais c'est rien de méchant. Et je pense que il aura d'autres essais libres 1, il aura et du coup en tant que titulaire, il aura tous les tests d'Abu Dhabi. Ça c'est super important pour lui parce qu'il aura le droit de rouler une journée complète, deux journées complètes. Ils font 2 jours les tests, non, une journée complète. Une journée. Mais ce qui est quand même très important, hein, parce que ça fait beaucoup de kilomètres, il aura la voiture à lui tout seul. Et de toute façon, Mercedes lui fait faire un programme qui est absolument énorme. Russell a dit qu'Antonelli a plus roulé que lui en essais privés, alors que Russell avait quand même des essais avec Force India à l'époque. Donc on voit un peu le niveau de kilométrage qu'ils lui font faire. Et de toute façon, apparemment, à chaque fois qu'ils l'ont confronté à un autre pilote, il a été excellent. Il a été meilleur que Schumacher, il a été proche de Russell, voire des rumeurs disaient devant. Mais voilà, donc je pense que c'est énormément de pression pour lui, parce que c'est encore un enfant, mais pour autant, encore une fois, on a vu le triple champion du monde en titre est arrivé en F1 à 17 ans, et tout le monde disait que c'était trop de pression pour lui, donc je pense que l'histoire nous a déjà prouvé que c'est pas un souci d'arriver trop jeune ou trop tôt. Oui, certains Max Verstappen notamment. Hein. Voilà. un certain Kimi Raikkonen qui était arrivé après une saison de Formule Renault en Formule 1. Tout le monde disait ça, c'est du suicide pour sa carrière. Bon, on a vu que c'était pas trop mal. Très marrant d'ailleurs de voir Kimi Raikkonen dans le paddock le week-end de la titularisation. C'est ça. Ouais. On avait vu aussi un certain Jenson Button qui était arrivé après une saison de F3. Tout le monde avait dit mais c'est du suicide. Bon, on a vu que la carrière était pas si mauvaise non plus. Donc. Je pense que les jeunes pilotes qui arrivent très tôt, on sait pourquoi. Peut-être, eh bien, notre exemple, c'est Lance Stroll, qui n'a pas eu la carrière de fou derrière, mais qui n'a pas non plus fait qui a un potentiel quand même. Donc voilà, moi je suis quand même très curieux de voir ce que donnera Anthony l'an prochain. Il ne faudra pas lui tomber dessus à la première erreur, il ne faudra pas lui tomber dessus à la première contre-performance, il y en aura. Mercedes fait un peu ce choix osé, d'ailleurs, parce qu'ils ont potentiellement la possibilité de jouer le titre l'an prochain, mais du coup, ils auront un pilote qui risque de parfois leur coûter des points, leur coûter des pièces, leur coûter de l'argent. Coûter des casques aussi, peut-être à Toto Wolff. C'est possible. Mais bon, Toto Wolff a qu'à arrêter de prendre ce qu'il a sur la tête pour le fracasser dès qu'il a un souci. Hein, là-dessus, il y a aussi un certain contrôle à avoir. Mais voilà, donc moi je pense que c'est une très bonne décision. Et de toute façon, les alternatives n'étaient pas... Enfin, en fait, à partir du moment où ils ont boudé des alternatives comme Sainz, bah, c'est que derrière, il fallait faire ce choix osé, à mon avis. en se laissant des portes ouvertes aussi, puisque Russell et lui ne sont signés que pour un an. Donc, ouais. Donc effectivement, c'est aussi un peu de pression hein, pour ce que disait d'ailleurs Toto Wolff. On va sortir l'article, je pense, demain ou après-demain, qui explique aussi pourquoi ces deux pilotes n'étaient pas signés pour 2026. Alors certes, si tout le monde pense qu'il y a toujours la petite porte ouverte effectivement à Verstappen, et oui, parce que certes, il n'y aura pas de flirt, mais si le camp Verstappen vient pas flirter, mais dit « on veut venir signer chez Mercedes », Toto dira oui, évidemment, tout de suite. Ce qui effectivement lui posera des problèmes si les deux sont très très bons l'année prochaine. Maintenant, si Kimi met du temps à se mettre en jambe et que c'est pas le super potentiel qu'il attendait, la décision sera plus facile à prendre, de savoir quel duo il mettra en piste en 2026. Si, je rappelle, si le clan Max Verstappen dit que c'est Red Bull, ça suffit et qu'il faut changer de crémerie. Mais voilà, c'est... Attendons, effectivement. 2025, ça peut être une année de transition, mais vu la remontée de Mercedes cette année, quand même, ça ne sera pas si transition que ça. Ils peuvent jouer pas mal de victoires l'an prochain, et ça ne sera pas qu'une année à mettre à la poubelle pour Mercedes. Il y a quand même des choses à jouer, donc Anthony aura quand même une certaine pression pour assurer de bons résultats. Et si leur pari est réussi, il ne faut pas oublier que potentiellement, Antonelli pourrait gagner des courses dès l'âge de 18 ans. Et là, ben, ce sera tout bénef pour eux. Après, si c'est un gros fiasco, ils auront peut-être un duo Verstappen-Sainz en 2026, on ne sait pas non plus. Mais voilà, c'est... ils ont raison de s'ouvrir les portes. De toute façon, la F1 actuellement, c'est aussi ce qu'il faut. Hein, donc... Et puis encore une fois, au moins... Moi, je voulais voir des jeunes aussi. Donc voilà, ça y est, ouais, ça fait déjà. Et surtout, ils ont deux pilotes formés par Mercedes. Et ensuite, là-dessus, on ne peut pas leur en vouloir. Tout le monde dit, oui, les académies servent à rien. Ben, la preuve que si, Mercedes, ils ont deux pilotes Mercedes. Donc c'est pas mal. Donc moi je suis non le choix est super cohérent en fait. Après c'est sûr que en fait Wolf en fait tellement des caisses quand il parle d'Anthony, quand l'autre il fait un tour et demi, il dit oh, mais il nous a bluffé pendant un tour et demi, t'es là ouais, calme-toi parce que tu peux juste dire que c'était pas grave et puis on passe à autre chose, tu vois. Mais bon, après c'est Wolf, on sait qu'il est toujours un peu dithyrambique. TOP apprécie cette remarque, Manu, on y reviendra à TOP, on en reparlera plus tard dans l'émission. Je pense que pour Mercedes du coup on a fait le tour. Nous allons pouvoir passer à Red Bull. Alors là, pour les fans de Red Bull, c'est y a de quoi être décontenancé, puisqu'on en parle une heure après le début de l'émission. Ah oui, c'est pour le dessert, le digestif, une petite sieste. Aller aux toilettes, vous doucher, regarder la météo, enfin, tout filet de pyjama, tout ce que vous voulez. effectivement, Max Verstappen, 6e, Sergio Perez, 8e. Alors, certaines équipes s'en contentent très largement. Pour Red Bull, c'est une catastrophe. C'est surtout une catastrophe parce que là on est passé pas en 3 pour Sergio Perez, hein, Sergio Perez, oui, c'est vrai, ça y est, enfin il souffre aussi lui. Perez il est content, il est fait mais moi j'ai ça depuis le début. Mais et puis Perez, c'est vrai que finalement une 8ème place c'est à peu près raccord avec sa saison. Mais en fait ce qui est assez impressionnant c'est que on est passé en quelques courses de la voiture est très bonne à la voiture a un potentiel limité à on ne comprend pas très bien la voiture et là on en est à la voiture est un monstre. Donc si ça continue comme ça, je sais pas, ils se diront c'est une grosse merde dans 3 ou 4 courses. Mais c'est vrai que là on est devant une équipe Red Bull qui est plus perdue qu'elle ne l'a jamais été, qui pour moi paye sûrement le fait qu'elle manque de développement, parce qu'il faut oublier qu'à être champion du monde depuis 3 ans, ils ont 70% du temps de développement en soufflerie et en CFD, donc l'étude des flux par ordinateur, par rapport aux autres équipes. Et je pense qu'à force, ça commence à peser un peu, hein, cette histoire de handicap de développement. Oui, certes, il y a le handicap. Il y a en fait, un seul jeu d'évolution aussi qui a été ramené vraiment cette année. Et il y a surtout le fait qu'ils ont très bien démarré l'année et que ce problème d'équilibre, parce qu'il n'y a pas forcément un problème d'équilibre aéro en fait, entre l'avant et l'arrière, c'est un petit peu un cercle vicieux, c'est-à-dire quand ils cherchent à corriger l'un, c'est l'autre qui souffre et vice-versa, et ainsi de suite. Ils n'arrivent pas à sortir de ce cercle vicieux, c'est un petit peu l'analyse qui a été donnée. Donc ils sont revenus à des pièces de début de saison, même au premier plancher de Bahreïn, ça n'a pas résolu. Donc en fait, il y a quelque part un moment dans la saison où Red Bull a pris le mauvais virage, c'est le terme employé par Helmut Marko, et ils essaient de mettre le doigt sur ce moment, en fait, sur ce moment clé où le mauvais virage a été pris. Alors non, ce n'est pas le moment où Adrian Newey est parti de l'équipe, enfin, pas, en tout cas pas d'après eux, même si c'est pas un bon virage, c'est clair, mais c'est pas dit, le mauvais ça virage. N'a rien à voir. C'est pas le mauvais virage technique, c'est pas à ce niveau-là. Et voilà, et ils sont un peu perdus, effectivement, C'est assez impressionnant. Alors, on va se demander s'ils ramenaient directement une RB20 édition Bahreïn avec toutes les pièces de Bahreïn et tout, est-ce qu'ils arriveraient à retrouver leur voiture? Non, parce qu'en fait, ce qu'il explique, c'est que ce problème d'équipe, en fait, il a toujours été un peu là, sauf qu'il était moins prégnant que prégnant qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, ils ont été rattrapés, tout simplement, et qu'effectivement, Red Bull, sur cette RB20 qui aurait dû leur donner normalement une nouvelle piste dès lors, rappelez-vous, quand tout le monde a découvert la RB20, tout le monde s'attendait à avoir une évolution de l'RB19. Ça a été presque une révolution. On ne peut pas parler de révolution non plus parce que c'est pas totalement différent, mais c'était vraiment très différent de ce à quoi on s'attendait. On s'est dit waouh. Et puis ils sont mis à dominer. On s'est dit waouh. On est reparti pour 2 années. Voilà, hein, vivement 2026. On s'est dit on va galérer pendant 2 ans à subir des dominations avec des 22 courses aux 23 gagnées ou autre chose. Et alors, pas du tout en fait. Pas du tout. Et oui, et puis, mais voilà, Red Bull paye beaucoup de choses. Certains, la base de la base, c'est effectivement le développement technique, donc c'est le groupe technique qui doit effectivement assumer cette partie-là. Après, il y a aussi toutes les affaires internes autour de Horner, le départ de Newey, tout ça. Évidemment, ça a dû déstabiliser aussi pas mal de gens, des départs importants quand même aussi. Donc voilà, mais techniquement, effectivement, l'équipe de Pierre Vacher, il faut le reconnaître, n'est pas sur la bonne voie. Ou s'est perdu quelque part, ou a introduit un facteur quelque part qui fait que cette RB20 est devenue incompréhensible, même pour Verstappen, qui arrivait à s'en accommoder jusqu'à un certain point, mais maintenant qu'il est poussé à bout de ce qu'il doit en faire, n'y arrive plus. En fait. Et il secoue l'équipe, hein, il secoue vraiment l'équipe. Hein, donc, publiquement, je veux dire, c'est l'équipe, elle prend cher, hein, que ce soit dans les médias le jeudi, le vendredi et à la radio. Donc tout le monde est au courant, hein, chez Red Bull, qu'il va falloir se secouer les puces et que le championnat, c'est ce qu'il a dit d'ailleurs jeudi, le championnat n'est plus entre mes mains. Alors qu'il avait encore 70 points d'avance jeudi, 62 aujourd'hui. Et surtout, il a dit avant ce week-end qu'il était quand même vraiment le plus mauvais en termes de performance. C'est ça. Donc là, le championnat, pour lui, il n'est plus entre ses mains. Il va pouvoir limiter effectivement les dégâts tant que faire se peut sur les différents circuits, le temps que Red Bull trouve, espérons-le, pour lui, la solution. Mais si ça continue comme ça, effectivement, oui, on peut bien croire ce qu'il est en train de dire, c'est que le championnat n'est plus du tout entre ses mains et son avance va fondre comme neige au soleil. Donc, ils ont fait le constat. Marco dit qu'il y a une sorte de direction qui a été décidée pendant le week-end de Monza, peut-être par rapport à des expérimentations qu'ils ont fait entre les anciennes pièces d'avant-évolution de Silverstone et celles qui ont été implémentées récemment. Voyons si cette piste qui va être suivie a priori par le groupe technique mènera à quelque chose de plus fructueux en termes d'équilibre. C'est vraiment là que ça pêche pour l'instant, parce que si moins ils arrivent à retrouver une voiture équilibrée, peut-être qu'ils pourront effectivement mettre de la charge dessus, pouvoir retrouver un poil de performance, mais là ils peuvent pas. Là, ils ne peuvent pas le faire. En tout cas, c'est l'explication officielle. Hein. Peut-être qu'il y a d'autres choses aussi, mais l'explication officielle, c'est bien celle-ci. On ne peut pas mettre de charge sur la voiture. Parce que si on en met trop, ça déséquilibre ou l'avant ou l'arrière. Voilà. Ouais, c'est ça. Et puis, retrouver une voiture plus saine, de toute façon, ce serait tellement revenir en arrière que la voiture ne serait pas assez bonne dans les temps face aux autres. Alors, il y a effectivement aussi l'histoire de l'interdiction des systèmes visant à développer un couple de freinage asymétrique. Que Red Bull exploitait énormément. Alors j'ai vu Bmax qui dit c'est pas ça. Il dit on n'a pas de preuve que c'est pas ça, mais on n'a pas de preuve que c'est ça. Enfin, on n'a pas de preuve que c'est le problème, on n'a pas de preuve que c'est pas le problème. Ça peut aussi s'ajouter à la liste des choses qui aujourd'hui coûtent du temps à Red Bull. Parce qu'en fait, ils ont un retard en qualif de 6 dixièmes, ils ont beaucoup de problèmes à mettre la voiture dans les bonnes températures en course. Et c'est un ensemble de choses. Et ça peut en faire partie, notamment en qualif, où c'est quand même quelque chose qui sert beaucoup à avoir une voiture un peu mieux axée avant les virages, notamment. Donc c'est vrai qu'effectivement, c'est un peu la débandade du côté de Red Bull. On a vu, alors c'est vrai que, je ne sais plus qui a dit, ils ne vont pas faire 6e tous les week-ends, ce n'est pas leur circuit fétiche, Monza, mais je crois quand même que l'an dernier, je suis en train de regarder du coup sur les classements. Ouais, ils finissent quand même. Il faut quand même le doubler devant Sainz. Donc ça s'était quand même bien passé. Alors, certes, ils n'avaient pas l'avance qu'ils avaient sur d'autres circuits, mais par exemple, ils étaient très très bien. Et 2 semaines plus tard à Singapour, ils étaient éliminés en Q2. Donc c'était pas non plus la catastrophe, Monza. Et moi, je pense que c'est assez inquiétant pour eux. Effectivement, il y a une trêve d'un mois où là, il n'y aura pas de fermeture d'usines aussi entre Singapour et les USA. Et ce sera le moment pour eux de trouver la solution. S'ils ne la trouvent pas, leur saison sera très compliquée. Mais il ne faut pas oublier que le premier message d'alerte qu'ils ont mis, c'était au moment où ils ont amené le package en Hongrie, où quand Verstappen a dit, si ce package-là ne nous met pas largement devant, on aura des gros problèmes sur la suite de la saison. Et factuellement, ça les a pas mis largement devant et ils ont des gros problèmes sur la suite de la saison. Donc, John Smith, c'est revenir aux voitures de début de saison. Le problème, c'est que ouais, il y a eu tellement d'évolutions qu'ils auront une voiture plus stable, plus saine, mais pas assez puissante et performante. Et ils seront sûrement dans le deuxième groupe parce qu'en fait, on se rend pas compte, mais les temps évoluent très très vite. On est encore sur des voitures qui savent trouver de la performance, donc il serait clairement en retrait. C'est Phoenix 512 qui nous pose la question. Imaginons que Red Bull finisse troisième du championnat constructeur. Y a-t-il un risque de faire imploser l'équipe en conséquence? Pour moi, l'équipe, elle a déjà implosé. Hein. Oui. Là, les grosses têtes pensantes sont parties, c'est à peu près stabilisé. Là, la poussière retombe, mais l'implosion, elle se fait en début d'année. Hein. De toute façon, soyons clairs, là, en l'état actuel des choses, le titre constructeur, ils peuvent déjà l'oublier. Ouais. Puisqu'il y a Pérez dans l'équipe. Je suis désolé pour Pérez, mais au bon moment... Il prend systématiquement une balle perdue par émission. Non, oui, de ma part, oui, mais bon... Non, mais en plus, t'as pas tort, c'est ça le pire. Mais il faut être factuel. Fait son meilleur week-end de la saison par rapport à Verstappen, hein, ce week-end. Donc, oui, c'est sûr. Mais bon. Après, c'est quand même une huitième place et tout, mais... Non, mais t'as raison, c'est pas... C'est factuel. Donc, je veux dire, ils se battent avec une seule voiture, avec un seul pilote, une seule voiture, alors que tous les autres sont très forts avec tous leurs deux pilotes. Donc, je veux dire, là, pour moi, le titre constructeur, ils peuvent l'oublier déjà totalement. Le titre pilote, oui, c'est... Maintenant, il faut le sauver, quoi. Sinon, ce qu'on retiendra de la saison de Red Bull, c'est deux titres perdus, un scandale, des gens qui sont partis. Ouais. Factuellement, c'est ce qu'on retiendra. Bah, c'est ça. Et deux titres perdus en ayant déboîté la concurrence en début de saison. Parce qu'il ne faut pas oublier que jusqu'à les cinq premières courses, ils sont largement devant. Hein. Et tout le monde se disait... Ils perdent une course à Melbourne parce que Verstappen abandonne. Mais Perez fait 4 ou 5 podiums. Verstappen fait 4 victoires. Enfin, à ce moment-là de la saison, rappelez-vous qu'on disait « Bon, bah, on verra en 2025, ça peut être sympa. » Et finalement, la saison est totalement nouvelle. Donc oui, si là, ils en arrivaient à perdre les deux titres... en termes d'image et en termes de gestion du clan Verstappen, parce que rendez-vous compte, là on a déjà un Max Verstappen qui est un petit peu tendu, un Jos Verstappen qui est beaucoup tendu, les titres sont perdus... Les Jos Verstappen, elles sont comme bien plus puissantes que les miennes, hein, sur Perez. Ah, c'est clair, bah lui il allume tout le monde. Et clairement, s'il perd les deux titres cette année, je pense que Max regrettera de ne pas avoir cédé aux propositions de Mercedes, parce que faut pas oublier que ça risque pas d'aller en s'améliorant chez Red Bull, dans le sens où ils auront toujours peu de développement, même s'ils perdent le titre, ils auront plus de développement que McLaren ou Ferrari, mais ils en auront pas non plus 100%. Ils auront leur retard avec cette voiture intrinsèquement qui n'est pas bonne, c'est-à-dire que 2025 va être compliqué, et 2026, c'est un nouveau règlement qu'ils auront à développer sans Rob Marshall, sans Adrian Newey, avec un moteur Ford et un moteur électrique et un moteur thermique Red Bull. Enfin, je veux dire, c'est l'avenir n'est pas très radieux pour Red Bull dans l'état actuel des choses. Les deux points forts, on disait en début de saison, les deux points forts inamovibles de Red Bull, c'était Max Verstappen et Adrian Newey. Il y en a un qui est parti et l'autre qui est énervé. Donc, c'est quand même très compliqué. Exactement ça. Max Verstappen qui pourrait peut-être suivre Adrian Newey sur le départ. C'est sûr que si Newey, on y reviendra après, mais si Newey rejoint Aston Martin, Verstappen il va se dire bon, ça peut être pas mal aussi. En plus ils auront plus Jonathan Whitley pour gérer et on a vu déjà qu'il y a des conneries qui sont faites qui n'étaient pas faites avant. Puisque Verstappen a fait un arrêt en 6 secondes, ce qui doit être l'arrêt le plus lent de Red Bull depuis environ 2020 peut-être. Enfin, en tout cas sur sa voiture à lui. Mais oui. Et oui, effectivement, Dr Kenobi, tu as raison, ça fait une domination puis une chute drastique à la Brand GP. Mais Brand GP, c'était logique parce qu'eux, ils avaient zéro argent, c'est-à-dire que Ross Brawn a mis tout son fric dans l'achat. Il savait que la voiture était bonne, il a mis tout le reste du fric dans l'achat d'un moteur Mercedes. Et la voiture était tellement pas développée qu'ils ont chuté. Mais eux, ils étaient tellement en galère de fric qu'ils faisaient semblant d'avoir un mulet, c'est-à-dire qu'ils amenaient une coque qu'ils mettaient dans le paddock. Mais en fait, ils n'avaient pas de quoi construire une troisième voiture juste pour que leurs rivaux ne sachent pas à quel point ils étaient dans la merde. Donc là, on était sur quelque chose de totalement différent, mais de totalement héroïque aussi. Mais la Red Bull, ils ont les moyens, ils ont juste plus la dynamique. Et la dynamique, encore une fois, c'est une voiture qui n'est pas aussi bonne et une équipe qui est, comme tu disais Franck, a déjà implosé. Le pire pour moi, c'est que perd Verstappen, là, pour le coup. Ah bah là, s'il perd Verstappen, pour moi, s'il perd Verstappen, il retourne au milieu de peloton. Et encore, même avec Verstappen, je suis pas sûr qu'il le fasse pas. Mais s'il perd Verstappen, ça redeviendra une équipe assez quelconque. Ford tire déjà assez la gueule comme ça, je pense, par rapport à ce qui s'est passé. Ah, si ça, en plus, il perd un pilote fétiche, waouh. Ouais. Je pense que c'est peut-être encore un peu ça qui réussit peut-être à garder Verstappen chez Red Bull. Moi, j'avais dit un peu en. Peut-être pas sur le Grand Prix, mais en off ou à Manu ou à Alex, qu'effectivement, Max Verstappen n'a peut-être pas non plus donné l'impression d'être le premier à quitter le navire quand les choses vont pas. Donc, tu l'avais dit dans une émission, ouais. Ouais, voilà, et donc peut-être au moins sauver, peut-être encore moins une dernière saison avec Red Bull, mais il supportera pas une autre saison en. Alors je peux pas parler d'imperfection à ce niveau-là parce que ça reste quand même du haut niveau, mais perfectible en tout cas. Et lui, quand il sait que c'est perfectible, ça veut dire que l'équipe a les moyens de ne pas faire ça. D'ailleurs, on a sorti un article ce soir en disant effectivement que il faut arrêter au moins les conneries, on va dire, évidentes. Voilà, quand il y a personne qui lui répond à la radio sur ce qui se passe en termes de moteur, hein, parce qu'il se pose des questions. Il a l'air d'être un petit peu lâché tout seul et que les ingénieurs de Red Bull derrière ils savent plus trop quoi lui répondre, quoi. Donc, je pense qu'il paye un peu aussi son caractère à être rapidement en train de lancer des piques à l'équipe. Et je pense qu'en interne il a moins le soutien par exemple de Lambiasé, parce que je pense que Lambiasé en a un petit peu marre aussi des commentaires de Verstappen. Et je pense qu'il y a des tensions. Et en fait, tu disais il supporte les imperfections, mais je crois que ce qui va faire mal à Verstappen au-delà des imperfections, c'est la dynamique, c'est-à-dire que 2019-2020, Verstappen est à un niveau déjà stratosphérique, on s'en rend pas forcément compte parce que Red Bull est en retrait, mais il reste et il persiste, il travaille dur parce que l'équipe progresse, et on voit que l'équipe se rapproche petit à petit, elle dépasse Ferrari, elle revient sur Mercedes jusqu'à 2021 où ils sont au niveau de Mercedes, mais là c'est tout l'inverse, c'est-à-dire que l'équipe a les mêmes failles que dans ces années-là, moins Adrian Newey, moins Rob Marshall, moins Jonathan Whitley, donc plus de failles à venir. Et en plus de ça, c'est une chute rapide et brutale de performance. Et en fait, s'ils ne trouvent pas le problème, là, il faut bien se rendre compte d'un truc, c'est que s'ils ne trouvent pas le problème qu'est la voiture actuellement, 2025, ils seront même peut-être pas dans les top teams, c'est-à-dire qu'ils seront peut-être plutôt au niveau d'Aston Martin, parce que tout le monde va progresser, et si eux n'arrivent pas à résoudre ce problème, un peu comme Mercedes avec son marsouinage à l'époque et son problème des zéro pontons, c'est rude, quoi. C'est quelque chose qui tout de suite fait perdre beaucoup beaucoup de temps. Donc, mais tout le monde continuera à faire la corrélation de départ de Newey, bien sûr, de Red Bull. Donc, ouais. Voilà, ça restera encore Newey faiseur de roi, mais bah c'est ça, hein. Pour le coup, mais à juste titre. Ouais, certainement. Peut-être que Newey, il y a une part de vérité en tout cas, je pense. Oui, ce que dit Marco, c'est qu'effectivement Newey, s'il était encore là, il aiderait peut-être l'équipe à trouver le pourquoi du comment. Mais Newey, certes, il est encore chez Red Bull, mais chez Red Bull Technologie, et il n'est plus du tout au service de la F1. Et d'ailleurs, il a interdiction d'accéder aux données de la F1. Et même s'ils voudraient ils peuvent pas, ils ont signé un contrat avec lui, enfin voilà, un protocole d'accord de sortie, et il a pas à remettre son nez dans ce qui se passe en F1, et donc même s'il le voulait, ça serait délicat à faire. Je réponds juste à Sobret et Delicate qui demande, Ford ne dit rien de tout ça. On sortira pareil un article peut-être demain sur des rencontres du haut management qui a eu lieu chez Red Bull ce week-end. Il y avait Jim Farley justement de Ford, le PD de Ford qui était là. Oui. Ce week-end, c'était la première fois qu'ils se reparlaient avec Horner depuis l'affaire. Depuis les menaces de Ford, en fait, qui avait dit s'il n'y a pas de transparence, ouais, on s'en va. Ouais. Et Horner, en fait, ce qu'on a appris, c'est que Horner n'avait même pas répondu à la lettre de Ford. C'est ce qui c'est assez dingue. C'est-à-dire que voilà, il y avait même c'est pas osé, eu de réponse. Hein, les Américains, ils n'aiment pas ça. Hein. C'est ça. Donc il n'y avait même pas eu de réponse en fait à la lettre faite par Ford à Farley, donc il y a eu grosse remise à plat parce qu'il y avait tout le monde en fait ce week-end. Il y avait le groupe management de Ford, il y avait aussi le management thaïlandais qui était là et le management autrichien, donc tout le monde s'est parlé, a remis peut-être voilà, peut-être que c'est aussi pour ça que Verstappen s'est aussi exprimé aussi clairement vu que tout le monde était là, pour remobiliser tout le monde, mais bon, c'est pas les managers qui vont faire la voiture, hein, soyons clairs. Non, ça c'est certain. Effectivement, donc Harry Ford demandait où est Rob Marshall. Il est chez McLaren et comme par hasard, ça va bien pour McLaren. Donc il y a aussi une corrélation. C'est le seul gars, peut-être le seul gars à sauver avec Newey. Finalement, parce que Dan Fallows chez Aston, c'est pas trop ça non plus. Pour non, mais Rob Marshall, ouais, on voit l'importance qu'il avait, je pense. Et et Lord Phoenix disait, ça montre les limites de Verstappen en tant que leader, le fait qu'il soit un peu isolé aujourd'hui. Et d'un côté, il y a toujours ça, c'est-à-dire que pour moi, c'est un mauvais leader d'équipe humain, parce qu'en fait, il est bien quand l'équipe est vraiment autour de lui, mais je pense qu'il a du mal à être le... Il a du mal à être un Schumacher, c'est-à-dire qu'il a... Michael, évidemment, enfin Michael, il a du mal à être ce leader qui, dans l'adversité, va tirer l'équipe vers le haut, et il est rapidement attiré dans les pattes de l'équipe quand ça va pas. Et je pense que ce qu'il a quand même pour lui, qui en fait quand même un très bon leader, c'est que c'est le meilleur pilote du plateau actuellement, probablement un des meilleurs pilotes du monde ou le meilleur pilote du monde, et du coup, il a quand même cet avantage pour lui. Mais clairement, Verstappen, oui, je pense qu'aujourd'hui, il est plus enfin, il n'y a plus l'osmose qu'il y avait avec Red Bull, parce que il y a eu des tensions avec Marco, il y a eu des tensions avec Horner, parce que tout le monde a des intentions internes de ce qui se dit, apparemment, c'est le cas aussi de Ricciardo, et Perez, il a failli se faire virer, enfin, c'est très compliqué en interne, et je pense que l'équipe, elle est en permanence en train d'attendre que la poussière retombe, mais la poussière ne retombe pas parce qu'il y a trop de dossiers en interne. Et en plus de ça, aujourd'hui, on ajoute des problèmes opérationnels qu'il n'y avait jamais avant et des problèmes de voiture qui sont de pire en pire. Donc c'est très, très compliqué. Alors oui, Alka dit, c'est pourquoi, pour moi, c'est une erreur si Mercedes prend Max. Mais en même temps, aucune équipe ne peut vouloir se passer d'un Verstappen parce que même s'il est pénible à gérer en interne. On a vu avec Vettel qu'un pilote qui est désagréable chez Red Bull et qui est un peu en foire-roi chez Red Bull peut s'avérer être un excellent team player et leader ailleurs. Donc ça ne veut pas dire que Max ne changerait pas totalement de caractère. Je pense pas qu'il changerait de comportement en piste, mais je pense qu'il changerait de caractère en dehors de Red Bull, parce que chez Red Bull, tout lui est pardonné et tout lui est encouragé. Et je pense qu'il serait un peu différent s'il était dans une autre équipe. Donc voilà. Mais en tout cas, effectivement, Red Bull, c'est... si on nous avait dit il y a une dizaine de courses qu'on parlerait de Red Bull comme étant l'équipe en galère et puis qui peine à jouer une sixième place, je pense qu'on n'aurait pas, trop cru. C'est clair. Voilà. Dommage d'ailleurs qu'ils aient pris tellement d'avance et qu'ils soient d'un coup tellement décrochés. On aurait tellement voulu une saison plus lissé, en fait, hein, et d'avoir une superbe bataille entre les trois équipes, voire quatre équipes. Dès le départ, ça aurait été formidable. Mm. Là, on va se retrouver à la fin parce que l'une a complètement décroché et que les deux autres ont raccroché. Ça va être à savoir qui arrive à sauver les meubles ou qui arrive à... C'est ça. Mais bon, ça reste quand même un championnat super intéressant. Bah, du coup, ça ouvre quand même toutes les possibilités, ouais. On va ensuite parler en cinquième force de la... Enfin, cinquième équipe de l'émission, de Williams, qui marque 2 points avec Alex Albon, 9e du Grand Prix d'Italie, hein, comme toujours Williams, ça marche très très bien à Monza, et de Franco Colapinto, qui faisait ses grands débuts en remplacement de Logan Sargeant, qui a été écarté après le crash de trop à Zandvoort, et qui a terminé 12e. Alors il s'est mal qualifié en 18e place, après une erreur en Q1, il avait le rythme pour pas aller en Q2, parce qu'avant sa petite erreur à l'ESMO 2, il était dans les chronos d'Albon, il était à 1/10 d'Albon, ce qui était excellent. Et il finit le week-end en 12e place, sur un circuit où la Williams était en forme, et sur un circuit qui est le plus facile de l'année à aborder. Donc ça ne veut pas dire, on se rappelle de l'épisode de Vries, que Colapinto est un champion du monde entier en puissance, mais... ça reste quand même des débuts réussis parce qu'il n'a pas pu se préparer comme il le voulait, puisque l'annonce de sa titularisation pour la fin de saison est tombée assez tardivement, et du coup il n'a pas eu la préparation physique et la préparation dans le simulateur qui aurait été optimale pour lui. Donc ça, c'est ce qu'il a dit après la course. Mais globalement, très bon week-end de Williams, hein, ça a marché très bien. Albon a réussi à faire un seul arrêt malgré le fait qu'il ait craint aussi lui que la voiture s'effondre, et finalement il a réussi comme Leclerc avant lui, a dépassé la phase de graining pour retrouver des pneus qui étaient performants. Et du coup, ça lui a permis de marquer 2 points. Et c'était plutôt encourageant pour Williams. Oui, super week-end pour Alex Albon, évidemment. Meilleur des autres, du coup. Voilà, avec une voiture évoluée aussi, donc ça fonctionne bien. Franco Colapinto, bah écoutez, moi j'en doutais pas, quelqu'un qui s'appelle Franco, forcément ça ne peut que réussir, hein, c'est le, voilà, le, l'avantage du prénom, moi, je évidemment là-dessus. Mais bon, voilà, non, mais super, super week-end, premier week-end de Colapinto. C'est vrai qu'il est titularisé un petit peu à la surprise générale, hein, parce que personne ne s'attendait à ce qu'il soit titularisé non plus. Bon, il a eu quelques jours, pour ne pas dire quelques heures, seulement pour digérer l'annonce et puis être prêt pour Monza. Bon, il devait se rendre à Monza pour la F2, donc. Qui savait déjà qu'il allait être sur ce circuit. Maintenant, en volant du 9-1, c'est autre chose. Et ouais, bah, comme tu l'as dit, effectivement, circuit le plus facile à appréhender, même si, certes, en termes de tracé, c'est facile. En termes de virage, c'est facile. En termes de stabilité au freinage, quand on aborde des freinages à 340, 350, 3 ou 4 fois par tour, que la voiture est hyper déchargée et que l'arrière est hyper baladeur, c'est pas évident non plus. La parabolique, ça passe quand même très fort avec très peu d'appui, hein. Certains Kimi Antonelli pourront en témoigner. C'est pas évident de pas aller sous la faute. L'ESMO 2 est vraiment une équation pour tout le monde, hein, quand même. C'est ça, donc voilà, avec un début en banking, voilà, qui a été un peu plus prononcé, pendant 2 degrés de plus d'après les ingénieurs, il y avait 2 degrés de plus en entrée, donc forcément ça passait un peu plus vite, mais en fait ça passait vite sur le plat après derrière, donc ça déséquilibrait un petit peu, comme d'ailleurs la parabolique, c'est un petit peu ça. Et ouais, non, mais voilà, week-end zéro faute pour Colin Pinto, dans les bons rythmes. Mais il est déjà devant Bottas au championnat, grâce à sa deuxième place finale. Parce que, rapport que même si les pilotes ne marquent pas de points, ils sont quand même classés au championnat par rapport à la qualité des places obtenues. Et donc, du coup, c'est Bottas qui se retrouve déjà dernier du championnat face à Colin Pinto. Donc, voilà, il se retrouve 22e sur 20, du coup, on rappelle. C'est très fort. Et donc, oui, bah, évidemment, comme vous le dites dans le chat, je suis tout à fait conscient aussi à juger sur d'autres courses. Bakou sera pas une mince affaire, soyons clairs. Singapour encore moins. Surtout en termes physiques. En termes physiques, effectivement, si vous avez lu effectivement l'article sur Next Gen Auto cet après-midi de Manu, c'est que Monza, sur le niveau physique, ça va à peu près. Que vous ayez un appendice ou pas, d'ailleurs, hein, ça se passe plutôt bien. C'était un petit peu la blague de... Sauf si vous perdez votre appendice le week-end de Monza, là, c'est un peu plus compliqué. C'est ça, c'est la petite blague de James Walls qui disait, bon, bah, Franco Colapinto me casse mon duo 100% sans appendice. Qui aura l'année prochaine, mais voilà, là, effectivement, en termes de physique, ça va être autre chose. Bakou et surtout Singapour. Donc, à juger là sur ces circuits-là, où ça tourne beaucoup plus, évidemment, c'est beaucoup plus de talent d'équilibriste entre les murs. Et effectivement, on pourra là voir à quel est son niveau par rapport à... S'il est à peu près au même niveau que Sargent, du bon Sargent de ces derniers temps par rapport à Albon, ce sera déjà un pari très très bien réussi pour James Vowles, parce que voilà, il fallait mettre un autre pilote dans la voiture. Et tant mieux si c'est un jeune pilote qui pourrait s'en profiter, même si certains auraient préféré voir un Mick Schumacher ou William Lawson. Voilà, mais bon, les conditions ont fait que c'était pas possible. Et attendons de voir. Voilà, attendons de voir ce qu'il peut faire sur la suite. Il a pas de pression, de toute façon, il n'a pas de baquet à jouer pour 2025. Non, c'est ça, hein. Lui, il n'y a pas de. Lui, pour le coup, c'est apprendre et puis faire au mieux. Je mets un bémol quand même, parce qu'on regarde souvent en tête l'exemple Nyck de Vries, qui fait un super résultat à Monza et qui rate totalement. Qui rate totalement 2023. Mais on rappelle que tout le monde disait après Monza l'an dernier que Liam Lawson, qui venait d'arriver, donc faire son premier week-end complet à Monza. Tout le monde disait oui, mais là, bon, c'était Monza et tout, ça va être différent à Singapour. Et Singapour, il fait Q3. Il élimine Verstappen et il fait 2 points. Donc, il y a aussi des jeunes pilotes qui sont au niveau des attentes qu'on a d'eux, en fait, qui créent des bonnes surprises, tout simplement. Bah, il avait appris avant la qualif de Singapour, d'ailleurs. Je ne sais plus si c'était avant la qualif de Singapour ou après la qualif de Singapour que Ricciardo resterait, finalement. Oui, c'était soit avant le week-end, soit juste avant la qualif. Ouais, je sais que c'était samedi, mais est-ce que c'était avant la qualif ou après la qualif? C'était avant, puisque la qualif, c'était super tard, en fait, à Singapour, voilà. C'est de la nuit. Donc, il signe la Q3 et 2 points le lendemain. Donc, voilà ma réponse à votre titularisation de Ricciardo. Voilà. Et d'ailleurs, voilà aussi notre plaidoyer pour avoir Liam Lawson en Formule 1, parce que moi, je reste persuadé, et je continue à penser que c'est un des plus grands talents pour l'instant sur le banc de touche. Liam Lawson qui a roulé aujourd'hui d'ailleurs dans la RB20 à Monza pour les essais Pirelli. Tout petit résumé demain matin. Voilà. Au lever. Donc, Diablo demande Lawson, il va devenir quoi? A priori, il aura. Il a un baquet. Il a un baquet assuré. Ah, il a un volant. Il a un volant. Alors, pareil, entre Horner et Marco, ça s'est un petit peu bataillé, c'est vrai. Mais il aura un volant, ouais, ça sera logiquement chez RBF1. Mais... C'est vrai qu'il était promis à aller chez Audi, mais vu que Binotto est arrivé maintenant, la donne a peut-être changé aussi. Donc, s'il n'a pas de baquet, en tout cas en F1 à la fin septembre, il est libre de signer pour une autre équipe. Et par contre, il n'y a pas d'autre équipe qui a de baquet libre. Donc, je pense que Binotto, il n'est pas trop con, à mon avis. Il attend aussi quand même de voir si Lawson ne va pas être dispo. Parce que... Oui, c'est ça. Il vaut mieux recruter un Lawson à 500 000 euros par an que de le payer 2 ou 3 millions par, en prêt à Red Bull. C'est pas la même chose. Voilà. Et puis, ouais, moi, enfin, je reste persuadé que ce qu'il a montré, ce que tout le monde dit, Lawson pourrait être un De Vries. Non, Lawson, il a fait 4 Grands Prix et à chaque fois, c'était légèrement derrière Tsunoda, mais c'était de l'excellent travail globalement de sa part. Donc, voilà. En tout cas, Lance Phoenix dit au fait que la Pinto n'apparaît pas sur la page des classements, mais c'est parce qu'il n'a pas marqué de points, tout simplement. Hein. Il n'y a pas non plus Bottas et Joe. Mais pas les... Et Sargent. Les 0 points, non. Ouais. Voilà. D'ailleurs, Steck non plus n'apparaît pas dans le classement constructeur. Non, non plus. C'est vrai qu'on pourrait le faire. On pourrait le faire. Bon, il faudrait après à chaque fois justifier avec les places obtenues, tout ça. C'est un peu compliqué. Effectivement. En tout cas, voilà pour Williams. Donc moi, je suis. Je suis quand même. En fait, ça donne une curiosité autour de l'équipe de voir ce qu'ils pourront faire sur les courses prochaines et de voir ce que Colapinto fera par rapport à Albon. Et je pense que en interne, ça a dû faire du bien aussi aux mécaniciens et tout ça, de ne pas avoir de voiture à réparer de tout le week-end. Parce que la voiture, Colapinto, la seule erreur qu'il fait, c'est de mettre une roue dans le gravier à l'ESMO 2, ce qui lui coûte sa Q2, mais c'est pas dramatique. Et à côté de ça, il fait une très belle course. Et je pense que ça leur a fait du bien de ne pas avoir de gros cartons à gérer, de ne pas avoir encore du travail de samedi soir sur une voiture pour la remettre en état, quoi. Ils ont pu se boire une petite pina colada, du coup. Alors justement, parce qu'il y a John Smith qui marque dans le chat en même temps que tu dis, parce qu'il faut savoir qu'en off, Franck m'a dit ce week-end qu'à chaque fois qu'il entendait Colapinto, ça lui fait penser à pina colada. Ça me donne envie de boire une pina colada, j'adore ça en plus. Et John Smith dit que Colapinto, ça m'a toujours fait penser à un autre cocktail carabien, je vous sers un Colapinto bien frais. Donc... Exactement, ça donne envie en fait. Ah mais envie, clairement. On va faire un cocktail qui s'appellera le Colapinto. Mais voilà, donc on est raccord là-dessus aussi, effectivement. Une pinte de cola pour. aussi. Si vous faire sans alcool. voilà. Donc, je pense que pour Williams, en tout cas, c'est une nouvelle dynamique et ça doit faire un peu de bien aussi, quand même, malgré tout. Et c'est pas encore une fois pour assassiner gratuitement Sargent, c'est juste que Sargent cassait énormément de voitures. Et pour une équipe, ça pèse sur le moral de tout le monde, en fait. Pas que sur l'argent, c'est que les mécaniciens et mécaniciennes doivent reconstruire les voitures en permanence. Et à l'usine, les ingénieurs doivent en permanence fabriquer des pièces alors qu'ils sont en train d'en développer d'autres. Et on ne se rend pas compte du temps, de l'argent et tout ça qui est perdu. Et ce qu'on disait la semaine dernière, la décision de Vols, elle est logique. Et même si ça paraît brutal, c'est la Formule 1 et c'est pas si étonnant. Il a été très clair sur James Vowles sur son choix. C'est... Oui, après il y a eu aussi la petite polémique sur le fait que Mick n'était pas spécial. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Il est revenu après un peu sur ses mots en disant ouais, c'est un petit peu dans la fougue de l'explication. Effectivement, tout le monde avait cru comprendre à travers ses mots, en tout cas d'après lui, qu'effectivement Mick n'était pas un Ayrton Senna ou comme son patin Michael Schumacher, sinon il l'aurait montré chez Haas. C'est un peu dans ce sens-là qu'il avait voulu le dire. Maintenant, ça a été assez mal pris, interprété par la famille Schumacher. Ce qui peut se comprendre. Par Toto Wolff aussi, qui trouve que, voilà, que James a été un peu loin, et le lendemain, James s'est un peu excusé à demi-mot quand même, en expliquant quand même, bon, il n'avait pas tout à fait tort non plus, hein, voilà. Surtout Toto Wolff, il est gentil, mais c'est quand même le mec qui claque des portes au nez de Schumacher depuis 3 ans, hein, donc... C'est ça. Donc bon, voilà, donc Mick pas si spécial, effectivement, c'est pas un champion du monde de F1 en titre, en tout cas... Avec ce qui a été montré, voilà. Mais Toto Wolff a quand même rappelé qu'il avait gagné quand même les catégories précédentes, et puis à chaque fois assez pas facilement, mais en 2 ans à chaque fois il le faisait, et qu'il n'a pas eu effectivement peut-être le bon environnement pour attaquer la F1. Et ça, malheureusement, on ne pourra jamais le changer. Et à moins qu'une équipe de F1 bien carrée, bien structurée, qui écoute bien ses pilotes, lui redonne sa chance un jour. Et malheureusement, je crois que sa chance est un peu passée. Mmh. On ne saura jamais vraiment quel a été le vrai potentiel de Mick Schumacher dans une F1. Et, bah, comme pour beaucoup de pilotes, hein, je pense qu'il y a beaucoup de pilotes aussi, donc on ne saura jamais ce qu'il valait vraiment en F1. Ouais, Je voulais juste faire un commentaire là-dessus, mais je vais d'abord citer la blague de Alex Vanity dans le chat, qui est très drôle, qui dit « Ça m'a fait bizarre de voir Cole à la place de Sarge. J'ai cru un instant que Sergeant était passé colonel. » Je trouve ça assez drôle. mais effectivement, moi, je suis... Alors, c'est vrai que j'ai longtemps défendu la forme avec laquelle Steiner déboîtait Schumacher, enfin, défendu Schumacher par rapport à Steiner, en disant « Steiner est trop violent. » Mais il en parle un peu dans le livre qui va sortir bientôt, et je pense aussi qu'il y a... Enfin, sur la manière dont il était un peu violent avec Schumacher. Et je pense que... En fait, moi, j'ai longtemps défendu Schumacher, mais il faut bien se rendre compte que Williams lui ferme des portes, Mercedes lui ferme des portes, Haas lui ferme des portes, Alpine lui ferme des portes. C'est peut-être pas un hasard. Et c'est ce que j'ai mis l'autre jour sur Twitter en petite formulation sympa. J'ai marqué « Schumacher n'est peut-être juste pas le nouveau Schumacher. » Et factuellement, je crains que... Même si les mots sont un peu bruts de la part de Vols, ce soit pas faux, en fait, tout simplement. Et effectivement, Mick Schumacher est un excellent pilote. Encore une fois, il a été loué par Alpine au moment où il a fait sa première course, parce qu'il était beaucoup plus rapide que les pilotes des autres voitures, enfin, de sa voiture, les autres pilotes de sa voiture et les pilotes de l'autre voiture pendant la course. Mais factuellement, peut-être que c'est un peu short pour la Formule 1. C'est même pas le nouveau Ralph. Alors, moi, pour moi, on est dans une Formule 1 beaucoup plus compétitive qu'il y a 20 ans. Et je pense qu'un Mick vaut un Ralph. Mais ça, c'est un débat qu'on pourrait avoir sur l'évolution de la professionnalisation de la Formule 1. Voilà pour Williams. On va passer à Haas. Alors, Haas, c'est très bien. Il y a eu un point de marqué. Mais il y a eu deux points de marqué. Trois points de marqué. C'est ça. Alors, effectivement, un point au classement pilote pour Kevin Magnussen, mais trois points au total sur le week-end. Puisqu'il a pris deux points de pénalité pour une attaque. Alors, sur Pierre Gasly, tout le monde a dit oui, c'était un petit peu violent, il aurait peut-être pas dû apprendre 10 secondes et 2 points. Moi, je pense que c'est bien fait. Moi, je pense qu'au bout d'un moment, faut arrêter, parce que Kevin Magnussen. Mais voilà, c'est-à-dire qu'il y a un passif. Si un pilote qui a pris 0 point dans les 12 derniers mois fait une attaque comme ça, on peut lui mettre que 5 secondes et dire. Ou tu vois, enfin, il faut lui mettre quand même une pénalité, parce que l'attaque était un petit peu optimiste. Mais. Il faut lui dire, voilà, attention, c'est pas bien. Mais là, en fait, les deux points, ils sont justifiés. Parce que Kevin Magnussen est quand même un des pilotes les plus sales du plateau depuis maintenant 5 ans, 6 ans. Oh, c'est bien calmé pendant 3-4 mois, là, quand même. On l'avait pas trop vu. Hein. Ah oui, bah, en même temps, il a pris 10 points en 4 courses, il fallait bien qu'il se calme. Il n'est pas défendu par Komatsu, c'est justifié, c'est trop agressif, j'accepte la décision. Si même le patron le dit, au bout d'un moment, voilà, il faut dire que... Magnussen a mérité, au bout d'un moment, de... Et on a longtemps été critique de la FIA à dire qu'il louvoie autour du 12e point en essayant de ne pas pénaliser un pilote. Là, pour le coup, ça a été très clair. Ils ont mis les 10 secondes. Nous, tout de suite, on s'est dit... Moi, je l'ai marqué dans le résumé, dans le live de la course, et on s'est dit tout de suite en off, pendant la course, on s'est dit, bah, là, c'est vu qu'il prend 10 secondes, il va prendre 2 points et c'est une suspension. Et effectivement, ça a été le... C'était le cheminement des commissaires. Et d'ailleurs, Magnussen a fait un post à Twitter aujourd'hui en marquant point positif. J'ai marqué un point négatif, je suis suspendu une course. Donc j'ai trouvé ça assez drôle. Je pense qu'il est. Il était conscient que ça lui tomberait sur le coin de la tête à un moment ou à un autre. Parce que quand tu te prends 10 points et que tu as 10 points sur ton permis pour toute la saison, à partir de la 4e ou 5e course. Et que tu dois donc faire 19 ou 20 courses avec 10 points et plus le droit à l'erreur, tu sais très bien qu'à un moment ça va sauter. C'était surtout quand tu t'appelles Kevin Magnussen et que t'es pas le plus grand poète de la Formule 1 actuelle. Donc je pense que là-dessus, pour moi, c'est pas une grosse surprise pour lui comme pour Haas. Je me suis même demandé moi si Magnussen n'avait pas essayé d'avoir ses deux points à Zandvoort. À un moment, il fait comme un gros bouchon dans la ligne droite et il y a tout le monde qui se dit mais qu'est-ce qu'il nous fait ? Non, mais peut-être pour sauter un Grand Prix, l'idéal c'est Monza comme histoire de mettre un pilote qui débute un petit peu. Limite, je me demandais même si ça n'était pas concerté un peu avec l'équipe en disant bon, c'est peut-être bien que tu prennes tes deux points là à Zandvoort histoire qu'on ne mette pas le nouveau pilote à Bakou. Finalement, on sait pas encore qui. Hein. Tout le monde a dit tout de suite que ce serait Berman. Le problème, c'est que Berman, normalement, était le réserviste officiel de Ferrari pour Bakou. Et il n'y avait pas d'autres pilotes qui étaient mobilisés pour ce Grand Prix-là, pour être réserviste officiel. Donc, pour l'instant, il n'est pas libéré officiellement. Giovinazzi n'est pas dispo ? Il y a une course d'endurance encore ? Je sais pas, mais en tout cas, pour l'instant, il n'avait pas prévu d'aller à Bakou, a priori. Donc sinon, ce sera Pietro Fittipaldi. Hein. Mais voilà, donc... Après, voilà. C'est con pour Berman, il a l'occasion de faire un week-end en plus, quoi. Voilà, Mick Schumacher connaît bien la maison. Non, bah, des pilotes prêts à sauter dans une voiture pour une seule course, c'est possible. Si effectivement As se retrouve dans une position où c'était plusieurs courses, effectivement Magnussen blessé ou autre chose, effectivement tu réfléchis un peu plus au choix de pilote que tu vas faire. Non, si tu sais évidemment que ce n'est que pour une seule course, que Magnussen reviendra forcément à Singapour. Oui, bon, évidemment, tu as envie d'avoir Berman parce que Berman c'est le pilote qui est titularisé pour l'année prochaine et ça lui ferait déjà un deuxième Grand Prix. D'ailleurs, ça lui laisserait encore le droit, je crois, participer à des libres, je crois. C'est oui. Oui, voilà, donc il aura encore le droit de faire d'autres libres après. Il n'y a plus de course, par contre. Ouais, voilà. Donc, je sais pas, oui, après, peut-être que Giovinazzi était prévu pour Bakou, mais qu'ils vont le faire venir quand même, et puis que Berman roulera, et ça sera Giovinazzi qui sera en réserviste de Ferrari. Mais pour l'instant, enfin, Vasseur, à la soirée du Grand Prix de Monza, il m'a dit laissez-moi savourer ma victoire. Je savais même pas que Kevin a été suspendu pour une course, on va y réfléchir, mais il a dit normalement, oui, c'était notre pilote de réserve officielle pour Bakou. Donc voilà, donc, je pense que c'est des arrangements, faire voyager les gens. Je ne sais pas s'il faut peut-être aussi des visas pour l'Azerbaïdjan. Mmh. Ça aussi, peut-être que c'est ça aussi ça qui va jouer aussi, mine de rien. Parce que un visa en urgence pour l'Azerbaïdjan, c'est peut-être pas évident. Donc voilà, à voir comment ça se goupille pour As. Comment ça se dégoupille aussi selon qui ils mettent à la place. Il y a plusieurs questions dans le chat, puisque déjà il y a Zolif qui dit son compteur sera mis à zéro après, c'est quoi la règle effectivement? Oui. Le compteur part à zéro, donc il aura, vu que sa saison sera terminée et puis qu'après je pense pas qu'il aura une saison suivante, il aura 8 courses pour faire n'importe quoi. Donc ça va être, je pense qu'il va revenir en forme le Magnussen. Lord Phoenix demande si le move de Magnussen vaut 10 secondes, pourquoi le move de Ricardo seulement 5, vous avez 2 heures. Non, alors évidemment, le move de Ricardo est assez violent puisqu'il tasse Hülkenberg hors piste, mais on est au premier tour, donc déjà prendre 5 secondes de pénalité au premier tour, c'est une grosse sanction, puisque normalement au premier tour c'est free fight, c'est-à-dire qu'au premier tour normalement il n'y a pas de sanction, donc la sanction de free fight, oui. Oui, non mais on s'entend, mais voilà. normalement au premier tour, on a vu des trucs au premier tour qui n'étaient pas sanctionnés, où des mecs envoient un autre en tête à queue, on a vu des trucs pas sanctionnés au premier tour qui étaient vraiment sales quand même. Donc on est d'accord que si ça avait été pas premier tour, ça méritait beaucoup plus le truc de Ricciardo. Clairement. Ah oui, si c'est pas premier tour, ça mérite un stop and go, hein, je pense. Clairement. Et du coup, 3 points sur le permis. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Ah oui, c'était Dr Kenobi qui dit là, Giovinazzi fait une course incroyable à Bakou et Binotto le signe chez Sauber. C'est pas Giovinazzi qui est réserviste chez As, il serait normalement réserviste chez Ferrari. À la place de Berman qui pourrait à son tour piloter chez As. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Schumacher va être shortlisté, va être pas pris comme d'habitude, mais encore une fois, si c'est le cas, bah, ça appuiera la théorie de Günther Steiner. Komatsu a peut-être une très bonne opinion de Mick Schumacher, ça se trouve qu'il a été muselé par Günther Steiner, mais oui, il a quand même pas choisi pour 2023, donc pour 2025 pardon, donc c'est ça, exactement, il a quand même choisi Ocon et Berman. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comparé à Buemi ou Wacker? Ça oui, la manœuvre de Buemi à Austin était vraiment dégueulasse, là, par contre, dit, c'est pas beau, c'est assez sale. Et quelle est la règle s'il perd encore ses points cette saison? Combien de courses de suspension? Non, justement, c'est... 12 points, une course. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de cumul. Hein. Là, il va revenir frais avec un compteur remis à zéro. Et s'il est motivé, il pourrait faire un peu n'importe quoi. Un peu petit strike pour Nico Hülkenberg sur une course, tu vois. On dégage la piste devant. Passe. Il va être équipier modèle. Va chercher ton premier podium, Nico. Podium que Hülkenberg foira en se mettant dans le mur comme il le fait à chaque fois qu'il a une potentielle option de podium. Je suis méchant, évidemment. Je suis méchant gratuitement. Et du coup, effectivement, tant qu'on est chez As, on peut aussi évoquer la course de Nico Hülkenberg qui a eu maille à partir avec les AlphaTauri, puisque donc il s'est fait envoyer hors piste. Oui, les RBF1, pardon. Il s'est fait. Les Toro Rosso. Il s'est fait envoyer hors piste. Les Minardi. C'est bon, on a fait le tour. Il s'est fait envoyer hors piste par Daniel Ricciardo au premier tour, et du coup, comme tout le monde le ferait naturellement, il s'est vengé sur Yuki Tsunoda. Qu'il a oblitéré avec un freinage raté et à qui il a causé l'abandon. C'est trompé de V-carb. Ouais, c'est pas grave, il en a vu une, c'est bon, ça fera l'affaire. D'œil pour œil, dent pour dent. Et bah, c'est le pauvre Yuki qui a pris du coup la as sur le coin de son fond plat, enfin, de son plancher. Et mais c'est vrai que voilà, c'était une course un peu agitée pour Hülkenberg. Il avait fini loin. C'était pas la course de l'année pour lui. Non. Et pourtant, as était beaucoup plus compétitive cette année que l'an dernier sur ce circuit. Parce que l'an dernier, oui, ils avaient bien pris le bouillon quand même. Sur mais l'an dernier, n'oublions pas que Nico Hülkenberg s'était plaint parce qu'il n'avait même pas d'aileron adapté à Monza. Ouais. Et parce que c'était un des gros... c'était un peu ce qu'ils avaient vraiment commencé à dire, il faut que Steiner dégage, parce qu'ils n'avaient même pas pris la peine de faire un peu de recherche pour un package. Alors que là, cette année, les 10 équipes avaient un package spécial Monza. Donc, bon, Red Bull, ils ont juste taillé dans les ailerons. Hein. Ils ont taillé au ciseau. C'est ça. Mais ils ont taillé dedans, moi. Chias, ils n'avaient même pas de ciseaux. Alors, après le premier, non, moi, tu imagines si on taille dans les ciseaux, après il faut en refaire d'autres derrière. Ouais, ouais. C'est ça. Alors qu'à l'épine, on le verra plus tard, eux, ils ont carrément passé l'aileron au fer à repasser, ils l'ont aplati tout le long. Mais voilà, donc non, c'était un petit peu compliqué. Pourquoi il a purgé la pénalité durant la course Hülkenberg? Bah, parce qu'il y avait encore un arrêt à faire. C'est ça. Parce que au moment où tu t'arrêtes, tu purges la pénalité. Si tu ne t'arrêtes plus, elle est ajoutée à la fin de la course. C'est ça. Zoran, ce qu'il dit, Manu, un rappel du palmarès de Tsunoda. Alors, je ne sais pas si tu parles du fait qu'il s'est fait dégager cette année par notre pilote, qu'il a abandonné en début de course l'an dernier sur les pannes mécaniques, mais effectivement, c'est pas la course qui lui porte le plus chance au pauvre Yuki, qui est un petit peu en difficulté en ce moment. Mais en même temps, ça va être, on en reparlera peut-être avec RBF1, c'est quand même l'équipe qui n'est pas la plus en forme actuellement non plus. Je pense qu'on a fait le tour chez Haas, donc la confirmation de la suspension de Magnussen, c'est fait. La confirmation de son remplaçant, effectivement, je pense qu'il va falloir attendre, à mon avis, début de semaine prochaine pour savoir qui gagne son ticket pour aller sinon, aurait déjà, voilà, il y a un petit souci pas de, voilà, de qui remplace qui, enfin, qui est le réserviste de qui. Sinon, je pense qu'effectivement, on aurait déjà eu la confirmation que Berman serait dans le choix logique, c'est Berman, hein, de toute façon. Oui. C'est lui qui a besoin de roulage. Hein, donc, Mais voilà, je pense qu'il y a cette petite histoire de mobilisation du pilote et de visa aussi qui peut jouer. Du coup, ça va être Mick Schumacher qui va être renvoyé en pilote de réserve Ferrari, prêté par Mercedes. Genre le mec est vraiment qui cire les bancs de touche. Sinon, on peut demander à RBF1 de prêter une de ses visas. Hop, RB, un pilote. C'est vrai. Il y a Pedro Rusk à RB, puis voilà. C'est bon, il y a un visa. C'est bon, il y a un visa. Visa qui demanderait sûrement de l'argent pour ça. La chance de Pourchaire, je vois pas trop comment, hein, parce que Pourchaire, il est. Rien à voir avec. Il a rien à voir avec Haas ou avec, avec Ferrari, quoi. Donc Pourchaire et sa chance, c'est autre chose, on en reparlera un peu plus tard dans l'émission. Ça fait déjà deux fois que je tire Pourchaire pour la fin de l'émission, mais vous l'aurez. On va passer à Aston Martin. Alors moi, personnellement, je n'ai pas grand chose à dire, si ce n'est pourquoi Lance Stroll s'arrête à la fin pour essayer de faire le meilleur tour. Ne le fait pas et termine 19ème. Enfin, vraiment, c'est. Personne ne comprend. J'ai pas compris. Non, mais personne, je t'ai posé la question, j'ai oublié un truc ou... Et moi, je t'ai dit, mais j'en ai aucune idée, enfin, vraiment... Si quelqu'un dans le chat a la réponse, parce qu'en fait, ils l'ont dit, hein, que c'était pour ça, mais ils n'ont pas expliqué pourquoi. Ils avaient envie d'embêter, je sais pas, ils ne jouent pas ni face à Mercedes, ni face à Ferrari, ni face à Red Bull, ni face à McLaren, la moindre ambition pour le titre, pour le championnat constructeur. Ils sont pas assez loin devant, mais ils ont une certaine marche sur les autres. Et de toute façon, ils n'étaient pas dans les points, donc ils ne pouvaient pas viser le point. Donc, non. Donc, à part vouloir priver quelqu'un absolument de ce point-là, mais je ne vois pas qui. Donc, surtout qu'Alonso pouvait jouer le top 10, lui, il n'a pas fini très très loin. Je ne sais pas, c'était très très très incompréhensible cette histoire de meilleur tour pour Lance Stroll. Et pour boucler la partie sportive de Aston Martin, Fernando Alonso a fini 11e et a dit c'était mieux que prévu. Donc vous voyez un peu le niveau d'ambition de l'équipe en ce moment. Il a dit c'est peut-être même une de mes meilleures courses de ma saison, mais personne ne se souviendra demain du Monza de 2024 pour Alonso. C'est ça. Ouin, voilà. Genre, il se plaint, voilà, c'est un coup j'envoie un fion à Stroll, un coup je me plains de l'équipe, un coup je suis un peu triste, un coup je me dis que c'est mieux que rien, mais... C'est du Alonso, hein, il est un peu perdu comme l'équipe. Alors c'est vrai que Xuan, ça a une bonne théorie, il a dit Stroll s'est décalé pour un drapeau bleu et s'est retrouvé dans la voie des stands, il voulait juste pas s'arrêter. C'est vrai que c'est possible. Oui, c'était peut-être pour un kiff, hein, peut-être se dire on va essayer de faire un meilleur tour, mais même ça, du coup, ça n'a pas fonctionné, donc c'est un peu tristou. Puisque Norris, avec ses pneus, avec ses pneus plus vieux, a fait le meilleur tour. voilà, et sinon, effectivement, la rumeur, c'est que Adrian Newey pourrait être confirmé prochainement. Ça a été redit par pas mal de médias aujourd'hui. Bon, ça, en fait, ça rejoint juste l'information qu'on vous a donnée la semaine dernière, donc il n'y a pas plus que ça. Sauf que ça a quand même l'air de se préciser comme étant une vraie vérité, pas un scud lancé en sous-marin par la presse italienne sous la volonté aiguisée de Ferrari de vouloir brouiller les pistes, parce que c'était un peu aussi une autre. Ça aurait pu être aussi une piste, hein, voilà, de devoir lancer une fausse piste dans les médias histoire de pouvoir négocier tranquillement avec Noué. Ça a l'air quand même de se vérifier qu'il y aurait une annonce alors, imminente avant Bakou. Alors, ça veut tout dire, ça veut vous dire aujourd'hui comme jeudi, jeudi prochain ou vendredi prochain. Donc, surveillez vos écrans. Effectivement, bah, grosse prise, hein, si Noué signe chez Aston Martin, grosse prise pour Lawrence Stroll. Peut-être que du coup Lance Roll ouais, sentira peut-être un peu plus le vent souffler dans son cou s'il y a besoin de mettre un autre pilote plus huppé à sa place. Regardons peut-être des côtés d'un néerlandais, puis certains se diraient que Max Verstappen pourrait suivre le mouvement. Alors ça reste des énormes spéculations, évidemment. Attendons déjà de voir si Newey est signé chez Aston Martin, quel poste il aura. Il y a comme Cardillet qui arrive, il y a comme pas mal de grands pontes là-bas. Ça sera forcément du consulting technique. Maintenant, du consulting technique à 100 millions de dollars sur 3 ou 4 ans, comme ça se dit, il est bien payé le consultant quand même. Hein. Ça, c'est clair. Xuan se dit, sinon, est-ce que le classement du pire pilote ayant roulé sur une voiture Newey existe? Est-ce que Stroll a sa chance? Non, puisque Mauricio Gudjelmin avait roulé sur une voiture derrière Newey dans les années 90. C'est que quand même, je pense qu'on peut dire que Mauricio Gudjelmin n'était pas... Vu la professionnalisation de la F1 dont on parlait tout à l'heure, je pense que Gudjelmin n'était quand même pas un pilote au niveau de ce que fait Stroll actuellement. Mais la réorganisation de Ferrari, effectivement, était annoncée pour après Monza. Mais là aussi, c'est vaste, hein, ça peut être... Moi, je n'exclurais quand même pas un coup de Trafalgar de Ferrari par rapport à Newey. Je sais pas. Je reste toujours hyper prudent parce que je trouve ça tellement... beau en fait. Pour ça, on n'a pas remis une couche parce qu'on n'a pas plus d'informations que la semaine dernière. C'est juste les mêmes. Je pense même que c'est le même rapport que de la semaine dernière qui est sorti aujourd'hui et que du coup tout le monde a repris un peu en masse dans les médias britanniques. Mais il n'y a pas plus de confirmations, de rumeurs ou de tuyaux qui ont circulé par rapport à Newey que ce qui circulait déjà à Zandvoort et au tout début du coup de la journée médiatique à Monza, quoi. Si vous avez peut-être vu Jean Alési qui a certifié l'antenne de Canal+, effectivement que Newey n'irait pas chez Ferrari, donc peut-être que en interne chez Ferrari il a eu le tuyau comme quoi, donc effectivement ça pourrait un peu accréditer un peu plus la thèse Newey chez Aston, mais bon voilà, il n'y a pas de raison de douter que ça soit faux. Je dis juste méfions-nous parce que un Vasseur qui nous signe Hamilton met à la barbe de plein de gens. Méfions-nous parce que Vasseur a juste envie de faire les Avengers de la Formule 1 dans son équipe. Donc... C'est ça. Donc voilà, je parierais pas 1000 balles dessus. Mais si j'avais un petit billet de 10 euros sacrifié quelque part, sur une petite cote, ça pourrait rapporter un peu. Quoi. Voilà. Ouais, c'est ça. Et alors, je vais faire rebondir sur un commentaire de Harry Ford qui dit « Sans garantie de succès, Newey, mais au moins, si c'est le cas, Stroll Senior a le mérite de mettre de très gros moyens pour réussir. » Je rappelle que Stroll Senior a acheté une équipe à 250 millions, a payé 200 millions de dettes, a payé une marque à 600 millions, a fait venir Fernando Alonso, a fait venir Sébastien Vettel avant ça. Donc, les moyens... Hein ? Dan Fallows, oui, effectivement. Maintenant, oui, oui. Je pense que les moyens, il les met... Une nouvelle usine. Voilà, une nouvelle usine à peu près 2 milliards, je crois. Donc, non, 200 quelques millions, je crois. Non, mais par contre, le projet global atteint les 200 milliards avec tous les investissements. Les 2 milliards, pardon, avec tous les investissements faits. Déjà, en fait, le projet de transformer Racing Point en Aston Martin a déjà coûté quasiment 1 milliard lui tout seul. Donc, voilà, c'est. L'investissement, il est là et c'est pour ça tout le monde lui rit un peu au nez parce qu'il garde son fils dans l'équipe et parce que les résultats sont pas parfaits, mais ne... C'est lui qui a investi au bon moment parce que c'était juste avant l'introduction des budgets plafonnés. Ouais. Il a lâché des chèques énormes et il faut pas oublier qu'ils ont aussi un deal d'équipe d'usine avec Honda, ce qui est vraiment pas du tout une mauvaise idée pour 2026. Donc ne les mettons pas de côté tout de Aramco suite. Aramco et Valvoline aussi qui se sont bien associés techniquement aussi au projet. Donc ouais, il y aura une très très belle Cardier, synergie. Une très très belle synergie de développement côté powertrains. Oui. Voilà, le groupe autopropulseur, pardon, en anglais, en français du coup. Il y a. En tout cas, les moyens sont mis. Maintenant, c'est toujours pareil, c'est ce qu'il disait Briator, tu as beau acheter, il faut que. C'est pas parce que tu achètes beaucoup ou très cher que tout fonctionne bien ensemble. C'est ça. Mais le projet est quand même globalement cohérent chez Aston. Donc, effectivement, Framboisier a raison, il a sauvé, même créé des emplois, parce que l'équipe, il a quand même racheté une équipe qui était en banqueroute, donc, et qui aujourd'hui a une des plus belles usines de la Formule 1. Donc effectivement, ouais, c'est après effectivement New West, ce serait un peu la cerise sur le gâteau, et Verstappen ce serait le glaçage sur la cerise sur le gâteau, tu vois. Mais déjà, on a quand même quelque chose qui est très très cohérent et très joli. Et effectivement, oui, il y a Lance Stroll qui fait toujours un peu tâche dans ce projet, mais encore une fois, Lance Stroll n'est pas non plus une brêle intégrale. Hein, c'est un pilote qui n'est pas si loin d'Alonso et qui n'était pas si loin de Vettel quand il était dans ses bons week-ends, et qui a quand même encore une fois des podiums, une pole position. C'est pas un manche. Oui, il fait un peu tâche sur un plateau de la Formule 1 actuelle, mais moi, je resterai toujours à dire que Lance Stroll est probablement un des pilotes les plus inconstants de la Formule 1 moderne, et ça, c'est vraiment son énorme défaut. Mais un Stroll des bons jours, c'est vraiment un excellent pilote, et si vous avez la possibilité, regardez encore une fois le Grand Prix de Turquie 2020 pour vous rappeler à quel point Lance Stroll est capable de choses incroyables. Mais pas en termes d'interview, parce que même après sa poule. Ah non, ça par contre, ça en interview, il nous les brise, parce que à chaque fois, moi je fais un verbatim des interviews vidéo, et Lance Stroll c'est 5 ou 6 mots, donc c'est un peu pénible. Voilà, s'il nous regarde, on le défend au niveau du pilotage, par contre, un petit effort sur les interviews, ce serait vraiment, vraiment sympa. Ah, pour nous, il nous en dirait peut-être 7, allez. Ouais, voilà, non, mais un truc, juste en fait, une phrase complète, je sais pas, quelque chose qui nous permette de faire un paragraphe avec lui, quoi, ce serait sympa. Parce que moi, derrière, je suis obligé de meubler pour faire un truc qui ressemble à quelque chose. Étoile polaire, on dit pas qu'un Grand Prix d'il y a 4 ans est suffisant. Je te dis aussi qu'entre temps, depuis, il a aussi résisté, il a été pas si loin de Vettel et pas si loin d'Alonso. Nous, c'est les temps, là. En dernier temps, il collait à Alonso. Hein. Bon, même, il était même devant. Donc, Et encore une fois, Vettel et Alonso, c'est quand même les deux meilleurs pilotes du début des années 2010. Je veux dire, au bout d'un moment, quand même, prenons du recul un petit peu sur ce qu'était la F1 avant. Et il faut très probablement penser que si Stroll arrive en F1 il y a 25 ans, il serait dans le top 6 ou 7 des pilotes. Peut-être même un peu mieux. Il a le niveau des pilotes en EHPAD. Ouais, bah moi j'aimerais bien avoir le niveau des pilotes en EHPAD, parce que les mecs ils sont quand même pas mauvais, hein. C'est clair. Donc oui, il y en a d'autres et tout ça, mais ce que je veux dire, c'est que encore une fois, c'est le seul défaut de l'équipe. Et parce que là, en fait, on dit il y en a d'autres, et oui, Aston Martin pourrait recruter mieux que ça, mais voilà, c'est le seul point faible de Lance Stroll pour l'instant. Et jusqu'à preuve du contraire, Lance Stroll ne prend pas non plus un baquet qui joue la victoire. Donc oui, effectivement, l'an dernier, c'était gênant quand Alonso enchaînait les podiums et que lui était très loin. C'était probablement ce qu'il a fait de pire dans cette période-là. Mais voilà, Lance Stroll n'est pas non plus un manche. Et oui, effectivement, c'est un point faible que de le garder parce qu'il a le même nom que lui, c'est son fils. Mais encore une fois, à côté de ça, vu ce qui est en train de devenir l'équipe, c'est pas non plus dramatique, quoi, je trouve. Mais après, c'est mon avis. Et effectivement, je peux comprendre aussi que ça agace sa présence, parce qu'il y a plein de jeunes pilotes très talentueux qui attendent. Ah oui, donc papa a investi sur la carrière du fiston, c'est aussi normal qu'il en tire. Ah, sans papa, il n'y aurait peut-être même plus de Racing Point. Ah bah c'est ça. Hein. Voilà. Et faut pas oublier que l'année précédant sa titularisation, son père investit 100 millions sur lui. Au bout d'un moment, c'est aussi normal qu'il essaie d'aller le plus loin possible avec son fils. Je veux dire, son fils lui a coûté très cher. Et en même temps, c'est son fils, il l'aime. Et pour le coup, on le voit dans Drive to Survive que les commentaires sont quand même très. Élogieux et très comment dire, du cœur quand il parle de son fils, ce qui est normal, c'est son fils. Et voilà, donc puis moi je repense surtout à son accident au poignet, je veux dire, ce qu'il a mis pour pouvoir revenir pour le premier Grand Prix. Oui, et faut pas oublier, c'est la période où justement Alonso enchaîne les podiums. Oui, et la douleur qu'il a eu à faire sa première course. Ouais. Voilà, là à partir de là tu dis respect, quoi. Voilà. C'est ça, hein. Et la course suivante, une semaine plus tard, il était quatrième ou cinquième à Jeddah, sur un circuit compliqué, avant d'abandonner à cause d'une panne mécanique. Donc, il y a du bon dans Lance Stroll, et il ne faut pas non plus... c'est facile de taper sur lui. Il y a des raisons de taper sur lui, mais d'accord, ce n'est pas ça le sujet. Bah si, c'est précisément ça le sujet. Le sujet, c'est de dire Lance Stroll n'est pas non plus la brêle internationale que tout le monde dit qu'il est. Parce qu'en fait, il prend très, très cher par des gens qui le critiquent de manière un peu aveugle. Et il faut aussi trouver un petit peu le juste milieu des fois dans les critiques et savoir dire, effectivement, il y a du positif dans ce pilote. Donc, très bonne remarque de Tago qui dit « Je pensais pas qu'on parlait autant de Stroll un jour où il finirait 19e. » Il faut cohabiter avec Stroll. Voilà. Ouais, c'est ça. Et oui, en plus, c'est un peu hypocrite parce que, comme le dit Framboisier, trois quarts des pilotes sont quand même des fils à papa aussi. Lando Norris, son père, il est multimillionnaire. Encore une fois, ça n'empêche pas le talent, mais voilà. Il a investi sur le début de la carrière sans fils. Par contre, la suite de sa carrière, Norris l'a quand même construit tout seul. Oui. C'est vrai que pour être propulsé dans le sport automobile, il a quand même bien compté, effectivement, sur le soutien de son père, sur le karting et les tout débuts en monoplace. Après, voilà, mais il s'est fait un prénom et un nom tout seul. D'ironique, vous avez des actions chez Aramco. Non, mais c'est un excellent pétrolier. Non, je déconne, évidemment. C'est une blague, on n'a pas d'action. Non, on n'a pas d'action du tout. Pas eu l'occasion de tester leurs produits, donc... Ils sont pas en vente en France, il me semble. De toute façon, moi, voiture électrique, je vois pas ce que j'irais foutre du Aramco dedans. Donc... je pense qu'on a fait le tour d'Aston Martin pour l'instant, évidemment. On va pouvoir passer à RBF1. Je n'ai pas grand-chose à dire sur la BF1, à part effectivement que Tsunoda a été victime d'une cabale à son encontre. Les résultats n'étaient pas très bons globalement, hein. C'est ventre mou du peloton. Quoi, donc, Ouais. Bon, non, tout ce qu'on peut retenir, c'est que Ricciardo s'en sort encore bien par rapport à Tsunoda. Mmh. Il est plutôt régulier en ce moment. Ouais. Ouais, donc c'est, pour lui, c'est l'enjeu. Hein. C'est clairement l'enjeu, c'est sauver sa place. Donc voilà, c'est... Est-ce qu'il la sauvera chez RBF1 ? Est-ce qu'il ira à la place de Perez ? Parce qu'il y a Le Son qui doit être intégré dans l'équation. Mmh. C'est compliqué. Et il se dit... Alors après, ça, c'est des rumeurs. Mais il se dit que Ricciardo ne serait pas du tout dans une bonne dynamique auprès de Horner. En fait, apparemment, Ricciardo ne parlerait plus qu'à Marco en interne. En référent, en tout cas. Et Marco, pour éviter que Ricciardo regarde ailleurs, lui aurait promis un baquet en 2025. Donc, dans le giron Red Bull. Donc si on regarde factuellement les faits, les choses, Tsunoda est déjà signé chez RBF1, Verstappen est déjà signé chez Red Bull, Lawson et Ricciardo ont un baquet promis. Je vous laisse imaginer ce que ça dit de la suite de la carrière de Sergio Perez. Après, évidemment, ce sont des rumeurs, donc tout peut se passer. Et c'est Marco, et c'est plus Marco le bon cheval hein, sur lequel il faut miser en termes de décision chez Red Bull. C'est plutôt Horner qui tient les rênes en ce moment. Donc, ouais, effectivement, je pense que le fait que Ricciardo est tellement mis aussi dans les pubs, dans les médias avant la pause estivale, le fait effectivement qu'il y avait la rumeur Perez quand il pouvait sauter, qu'effectivement il espérait un coup de fil, il est resté près de son coup de. Ah, ça n'a pas dû aider non plus parce que Horner voulait absolument pas se séparer de Perez. Et oui, effectivement, je pense que ça n'a pas dû plaire beaucoup à Horner de voir que Ricciardo s'exprimait ainsi dans les médias, en tout cas avant la pause. Il aurait mieux fait effectivement de dire moi j'espère juste continuer chez RBF1 et pas effectivement l'ornier explicitement sur le baquet Red Bull Racing. Donc voilà, c'est un peu voilà, c'est entre le sportif et le politique hein, pour les décisions sur les baquets là. Donc, ouais. On n'a pas toutes les cartes en main sur les décisions qui sont prises, clairement. Il y a des deux, donc on peut pas prédire. Aujourd'hui, je ne peux pas vous prédire qui va sauter, s'il y en a un qui va sauter. Mais c'est sûr que si dans ce jeu de à toi, à moi, je te fais un coup fourré par derrière et tout ça, c'est Lawson qui du coup en pâtit et se retrouve sans baquet et sans contrat, ce serait vraiment gâché pour lui en tout cas. Moi, si je devais faire un pronostic aujourd'hui, je sais pas si on s'en rappellera le jour où on aura les réponses, je mettrais quand même Ricciardo de retour chez Red Bull parce qu'il fait là, il est factuellement en train de faire une saison qui est très bonne. La voiture est pas très bonne, les stratégies sont pas très bonnes et il est toujours à un niveau qui est quand même pas mauvais. Et je mettrai Lawson chez RBF1 avec Tsunoda et je pense que Perez saute malgré tout. Donc, ouais, c'est chaud. Moi, je pense que c'est Ricciardo qui saute quand même. C'est Lawson qui sera titularisé parce que Ricciardo a fait son temps. Et... Ouais. Mais ouais. Surtout si Ricciardo n'est plus en odeur de santé du côté de Horner. Oui. Même son beau sourire, son côté ambassadeur de Red Bull, ça suffira peut-être pas à le garder plus longtemps dans la famille Red Bull. Donc moi j'aurais plutôt tendance à miser sur ce scénario là parce que vu comme ils ont protégé Perez et que Verstappen est en train de se taper une très très mauvaise j'ai pas de deuxième moitié parce que c'est pas la moitié, mais deuxième partie de saison qui s'annonce aussi extrêmement dure, et si du coup Verstappen et Red Bull se retrouvent plus ou moins kiff kiff au même endroit, c'est-à-dire quatrième force du plateau avec un no man's land derrière, du coup ils seront 6-8, 7-8, 5-8, 5-7, ça peut plaider malheureusement. T'es en train de donner des résultats de tennis là, non? ça peut du coup plaider pour Perez, du coup, parce que du coup tout le monde dira ouais, il est pas si loin de Max. C'est vrai. Donc ouais, moi je plaide plutôt pour Ricciardo qui on dit au revoir malheureusement, et un Lawson effectivement titularisé. Alors Bmax dit, si fin septembre Lawson n'est pas annoncé chez RB, rip à lui. Mais non, moi, pour moi, si Lawson se retrouve sans volant, il a un petit coup de fil de chez Steak F1 et c'est lui qui ramasse sa mise. C'était, ouais, Seidel et Hoffman misaient beaucoup sur lui à défaut d'avoir Sainz. Maintenant, est-ce que Binotto et Whitley, parce que je pense que même si Whitley est encore chez Red Bull, ils doivent de toute façon quand même discuter un peu de l'avenir, évidemment. Ce qu'on disait la semaine dernière, ils doivent avoir leurs numéros respectifs, hein, je pense. Et Whitley, il a toutes les infos possibles imaginables sur Lawson. Donc, voilà. Pour moi, c'est ce qui fait que de toute façon, il ira chez Audi s'il n'est pas réservé, parce que c'est pas gardé chez Red Bull, c'est que Jonathan Whitley sait très bien de quoi il est capable. Exactement. Lawson, Red Bull et Hadjar RB, ça ferait un quart de la grille 2025, rookie. Mais on va déjà avoir un beau turnover l'an prochain. Hein. Parce que c'est vrai qu'on se plaint beaucoup que les jeunes pilotes n'arrivent pas. Alors maintenant qu'il y a des jeunes pilotes qui arrivent, beaucoup se plaignent de l'identité des pilotes qui arrivent. Factuellement, moi je ne suis pas, choqué par les pilotes qui arrivent l'an prochain. Mais effectivement, c'est plutôt pas mal. Ouais, c'est pas les meilleurs de la F2. On dit ouais, pourquoi Berman et Antonelli alors qu'ils voilà, ne dominent pas leur sujet en F2. C'est Hadjar qui est en train de tout exploser. Effectivement. Après, effectivement, pour le grand public qui ne connaît pas la. Tout le problème entre guillemets des filières de pilotes et ce genre de choses. Et de la F2 globalement actuellement. C'est ça peut choquer, mais comme on a un Pourchaire aujourd'hui qui n'est pas en F1, comme on a eu beaucoup de champions de F2 qui n'ont jamais vu la F1 non plus, et je pense que pour le pauvre Isaac Hadjar, ça sera malheureusement pas pour l'année prochaine non plus. Il ira, je pense, faire une année en Super Formula, comme tout le monde. Et voilà, hein. je vois malheureusement pas de scénario où Isaac Hadjar est en F1 l'année prochaine. Moi non plus. Lambeau Diablo demande, Douane, c'est pas choquant? Bah on verra l'an prochain en fait. Moi je lui laisse sa chance parce que il n'a pas non plus montré des choses mauvaises. Il a fait beaucoup de roulages et dans l'équipe et finalement peut-être qu'il est convaincant. Il y a beaucoup de pilotes aussi qui sont pas les cracks qu'on espère en F2 et qui sont des très bons pilotes en F1. Je pense notamment, moi j'ai toujours l'exemple un peu plus ancien de Kamui Kobayashi. Joe aussi, même si Joe voilà. Mais Kobayashi en GP2. À l'époque, il est nulle part. Il est vraiment catastrophique. Il fait une 16e place par-ci, machin. Tout le monde dit oui, c'est nul et tout ça. Il est signé chez Toyota à l'époque. Non, c'était Nakajima qui était chez... Non, mais Kobayashi aussi. Et puis ensuite, chez Sauber. Et tout le monde dit oui, de toute façon, Kobayashi vient que parce qu'il a de l'argent. Et en fait, non. Kobayashi a fait une très belle carrière en Formule 1. Et avec des podiums et tout ça. Et je pense que il y a des pilotes qui sont meilleurs que ça, qui n'ont pas forcément les résultats qu'on attend d'eux en F2. Mais qui derrière vont faire de très bons résultats en Formule 1 et voilà, il y a un titre, et encore une fois un titre en Formule 2 n'est pas non plus un sésame absolu puisque Nick De Vries est champion de Formule 2, Mick Schumacher est champion de Formule 2, Fabio Laimer est champion de GP2. Bon, au bout d'un moment, les pilotes qui n'ont pas le niveau pour la F1, donc moi je suis pas choqué que Doohan finisse chez Alpine et en fait espérons lui du bon parce que c'est un jeune pilote qui débute, et même si des fois ça nous frustre qu'il prenne les places d'autres pilotes, faut espérer quand même pour lui. Encore une fois, c'est un pilote, on va pas espérer qu'il se ramasse, quoi. Donc voilà. Moi, ouais, c'est vrai, Drugovic n'a pas de baquet, c'est vrai aussi. Oui, c'est vrai aussi. Mais Drugovic n'a peut-être pas montré énormément de choses non plus, quoi. Encore une fois, ouais, il faut vraiment. Je pense qu'il faut aussi voir dans quel contexte les titres F2 ont été acquis et tout ça. Et oui, et j'ai vu beaucoup de gens qui disaient, oh là là, Pourchaire, c'est encore passé par exemple pour Colapinto, mais déjà Pourchaire n'avait zéro lien avec Williams, et la première saison de Pourchaire en F2, elle n'est pas meilleure que la saison de Colapinto, et Colapinto amenait en plus de ça la valise pour compenser le départ de Sargent, parce qu'encore une fois, il n'est pas juste là pour son argent, il est juste qu'il compense le départ de Sargent financièrement, et Vol, ça fait un petit... une petite nuance en disant il a pas amené d'argent, il y a des sponsors qui sont venus avec lui, et en disant en gros les sponsors sont venus parce que Colapinto est venu et pas l'inverse, mais voilà, c'est on a de très bons pilotes en F2 qui viennent de la F2 à la F1 et s'ils font le taf l'an prochain, les Berman, Antonelli, Doohan, et peut-être Lawson qui est même plus un débutant mais qui viendra quand même, et pourquoi pas. Donc et voilà, oui, on peut pas mettre tous les champions F2 en F1 et Et encore une fois, on a eu des très belles promotions aussi ces dernières années. Il ne faut pas oublier qu'en 2019, on a quand même l'arrivée de Norris, Russell et Albon en même temps. C'est quand même par vague, en fait. Faut que tu prennes les 15 dernières années, il y a en moyenne un pilote et demi, je crois, qui débute par an, donc c'est pas énorme. 2015, on a Verstappen et Sainz qui arrivent, tu vois. Il faut une quinzaine d'années pour renouveler, grosso modo, presque toute la grille, quoi. Mmh. Et encore. Moins Fernando Alonso. Moins Hamilton, voilà, c'est moins ça. Hamilton. C'est à peu près ça. Il faut à peu près 15 ans pour que 20 pilotes soient à peu près remplacés, quoi. Mmh. Et encore, on n'est pas tout à fait, en plus, encore. Donc, Non. Et encore, on n'est pas tout à fait, puisqu'en 2026, nous aurons, qui était présent en 2010, Alonso, Hamilton et Hülkenberg. Donc, qui, bon, lui a fait 3 ans sur la touche entre-temps. Mais voilà, après... Et oui, voilà, Berman et Anthony, c'est ce qu'ils font avant la F2 qui est incroyable aussi. Il faut en tenir compte, c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas tenir compte que de la F2. Et ce que fait Antonelli en Freca avant de faire de la F2, et il fait une saison de F2 qui est très très bonne, et ben voilà, c'est pas déconnant. Et comme le dit Harry Ford, l'occasion de rappeler que même David Valsecchi a été champion de GP2. Au passage, c'est un excellent commentateur avec un enthousiasme débordant, mais effectivement, c'était pas un pilote de F1. Et Julian Palmer avait fait des résultats corrects en GP2 de mémoire aussi, et voilà, ça n'a pas donné grand chose en F1. Voilà pour RBF1, en tout cas, du coup, c'est sur la piste, il ne se passe plus grand chose. Et bon, je pense que c'était leur dernier, enfin, ils ont déjà balancé leur dernier gros paquet d'évolution, je crois, ils n'en auront pas jusqu'à la fin de l'année, donc ça risque d'être un petit peu compliqué pour eux. Nous allons ensuite parler de Alpine qui est terminé 14 et 15e. Ouais. Bah, bon, c'était Monza, on savait que le déficit de puissance serait catastrophique, il l'a été. Ils ont tenté avec un package aéro ultime. C'était le rond. Pour moi, le DRS pouvait même pas s'ouvrir tellement c'était plat. Mais... C'est ça, hyper plat. Donc voilà, vous compensez les 30 chevaux en moins du moteur Renault, hein, puisque c'est un chiffre assumé par Renault, par la FIA et par toutes les équipes. Mais bon, il n'y a pas eu de demande de dérogation. Enfin, ils n'ont pas poussé pour pouvoir rattraper ce déficit. Donc voilà, Monza avec 30 chevaux de moins. 30 chevaux de moins, c'est beaucoup. Hein, donc c'est 3-4 dixièmes au tour. Hein, c'est énorme. Donc. Voilà, même l'aéro ne suffit pas effectivement à compenser ça. Et puis bon, vous ne pouvez pas non plus tout sacrifier parce que avec de l'aéro en moins, c'est forcément une voiture plus instable au freinage, c'est forcément des pneus qui souffrent plus, c'est forcément pas mal de compromis derrière. Bon, ça s'annonce difficile, ça a été difficile. Voilà, c'est plus à dire que là-dessus, quoi. Oui, c'est ça. Bmax, ils ont fait une demande refusée l'an dernier parce qu'eux-mêmes n'avaient pas voulu faire la demande au moment où ils avaient la possibilité de le faire. Ils ont fait la demande après le gel des moteurs alors qu'ils avaient refusé de le faire avant le gel des moteurs, donc c'est pas la demande refusée l'an dernier, elle est normale en fait, c'est pas voilà. Meilleur arrêt au stand du week-end, 2 secondes 01 pour Esteban Ocon, excellent là-dessus. L'opérationnel revient enfin au niveau, et on avait dit que c'était un peu le problème, que l'opérationnel était aussi en roue libre, et ça c'est bien du coup de voir les arrêts. Et puis évidemment un petit mot pour hashtag Viry on track, puisque le CSE de Viry Châtillon a envoyé des employés sur place pour mettre des jolis panneaux de soutien à l'usine de Viry, et ils ont fait une grève vendredi matin avec la présence de soutien politique, notamment députés de la France Insoumise et maire de Viry Châtillon qui étaient présents pour leur apporter leur soutien. Et puis voilà, je pense que moi personnellement, à titre personnel en tout cas, et peut-être au nom de Nexgenoto aussi, il leur a apporté nous-mêmes le soutien, parce que c'est quand même très triste ce qui arrive à l'usine de Viry. Ça, c'est, encore une fois, c'est des gens passionnés, des gens compétents qui vont se retrouver sans travail, ou en tout cas sans le travail qu'ils voulaient faire, alors que le projet l'usine de Viry a quand même rapporté des titres et des titres à l'appel à Renault et à Williams, à Red Bull, à Benetton en Formule 1, donc soutien, voilà, soutien total à eux. On espère que leurs actions vont porter leurs fruits. Malheureusement, le fait que ce soit déjà engagé avec Mercedes en termes de discussion, c'est pas très positif. Mais en tout cas, gros soutien à eux. Et puis, on espère, on a relayé pas mal de choses de leur part. Ils nous ont transmis leur communiqué qu'il y a eu par rapport à leur grève et tout ça. S'il y a d'autres choses qui seront faites, on relaiera, évidemment, puisque pour nous, c'est important. Et voilà. Donc soutien à eux et elle, puisqu'ils étaient, ils sont un peu mis en avant, tout en ayant une présence assez discrète, mais comment dire, de bon goût, on va dire. Voilà. C'est ça. Ce qui est pas gagné à faire, en plus, quand on est dans la situation où on a notre avenir qui est totalement mis en suspens, parce qu'il faut oublier que c'est des gens qui, aujourd'hui, ont leur avenir professionnel, que c'est juste un énorme point d'interrogation, et on leur dit, en fait, pour l'instant, on ne sait pas ce qu'on va faire de vous. Donc, c'est pas facile. Bon, après, on leur promet quand même des activités, mais ces gens-là, ils sont passionnés de Formule 1, ils sont engagés sur Renault pour la Formule 1 et faire de la Formule 1. Et on leur dit aujourd'hui qu'ils ne feront plus de Formule 1. Donc, c'est ça. Donc voilà, il y a peut-être une petite frange, effectivement, des employés qui ont atterri à Viry, qui n'étaient pas spécialement passionnés de F1 en étant engagés au début, qui étaient passionnés par les moteurs, hein, tout simplement. Et, ça se conçoit, mais en général, quand vous bossez là-dedans à 90%, 95%, pas dire 100%, vous êtes passionné aussi par le sport pour lequel vous travaillez. Et ces gens-là, effectivement, ben, bon, ils voient clairement que le projet de moteur F1 va s'éloigner, parce que voilà, on ne peut pas dire aujourd'hui c'est coupé, parce qu'effectivement, il y a des procédures légales en France, tout ça. Alors, il y a peut-être une procédure légale parce qu'il y aura peut-être des licenciements, je sais pas. Parce que moi, c'est juste si vous changez les projets, je sais pas quelles sont les procédures effectivement à suivre. Je sais qu'en termes de licenciement, en tout cas, il y a des procédures légales à suivre, mais a priori, il ne va pas y avoir de licenciement. Il va juste avoir une réorientation des effectifs sur d'autres projets plus technologiques, plus liés au groupe Renault et Alpine. Donc voilà, mais bon, c'est toujours pareil. Hein. Si vous avez une expérience Formule 1, surtout en tant que motoriste, c'est quelque chose d'extrêmement prestigieux. C'est certainement bien payé aussi. J'ai pas l'idée des salaires en tête, mais malheureusement pour eux, il va falloir aller travailler, je pense, à l'étranger. Et encore, ça devient compliqué aussi parce que les motoristes sont maintenant soumis à un plafonnement, effectivement, et... pour le nouveau moteur. Donc ça veut dire on ne recrute plus à tout va, on ne fait plus de développement à tout va non plus. C'est plus les sommes qu'il y avait il y a encore au moment de l'ère, de la première ère du turbo hybride, c'est-à-dire pour préparer le moteur de 2014. Effectivement, vous avez Mercedes qui a englouté des sommes entre 500 et 800 millions de dollars par an pendant 3 ans pour préparer leur arrivée avec le V6 turbo hybride. Aujourd'hui, c'est plus possible, c'est 120 millions, hein. c'est le cap qui a été fixé. Et puis donc voilà, ces gens-là, ils ont aussi conscience de ça. Ils ont aussi conscience que ben c'est pas facile d'aller toquer à la porte de voilà Red Bull à recruter pour leur projet F1 déjà avec Ford et ça. Donc il y a pas mal de places qui sont déjà prises. Donc ça va être compliqué pour eux de retrouver un boulot en F1 rapidement. Donc voilà, en plus, bah, c'est en France, quoi. Voilà, donc ces gens-là ont souvent, bah, voilà, ils parlent français, pas forcément tout anglais, même s'ils sont certainement obligés de parler anglais de par la nature de leur métier, mais leur famille souvent est établie en France, les enfants sont en France, et il n'y a plus de F1 en France. Voilà, il n'y restait que Renault. Donc voilà, après, il y a le projet WEC, il y a Peugeot encore qui est à côté, qui est à Guyancourt, c'est ça, il me semble, voilà, qui est à Guyancourt pour tellement. Non, ils sont à. Non, c'est pas Guyancourt. Guyancourt, c'était Prost qui est à Guyancourt. Je confonds. Ouais, il y a Peugeot, je sais plus où est-ce qu'ils sont situés, mais ils sont pas. Ouais, je sais plus où ils sont. Ils sont pas très loin, mais. Je sais pas le nom. Vélizy, non ? Ah oui, Vélizy, voilà, c'est ça. voilà, ça reste un niveau WEC maximum, quoi. Chez Alpine ou chez Peugeot. N'oublions pas que le WEC, les moteurs du WEC chez Alpine, c'est Mecha-Chrome en plus. Donc, et voilà, et après Peugeot, malheureusement, Peugeot aujourd'hui sous-traite énormément parce que Peugeot n'investit pas. Si ça vous rappelle une histoire dont on vient de vous parler, ce n'est pas surprenant, c'est la manière de faire des constructeurs français. Et du coup, c'est compliqué un petit peu de... En tout cas, ils n'investissent pas dans leur force à eux, ils investissent beaucoup dans la sous-traitance. Et effectivement, comme le disait... Attends, je ne vais pas citer la mauvaise personne. C'était Alka, je crois, qui disait voilà, que les sous-traitants vont aussi perdre pas mal de sous. Effectivement, hein. Ça impacte énormément d'entreprises. Ça impacte des gens, des familles, donc c'est compliqué. Et effectivement, il y aurait sûrement mieux à faire, encore une fois. Moi, là où j'en veux énormément au directoire de Renault, tu peux prendre des décisions en disant voilà, on a besoin de cet argent-là, tu peux être très cash. Mais par exemple, Ferrari, quand il y a eu le plafonnement, ils ont dit on ne peut pas garder les 1200 personnes qu'on a dans l'équipe de Formule 1 parce qu'aujourd'hui, on n'a pas le budget pour. Par contre, ce qu'on va faire, c'est créer un projet à côté, qui est un projet des 24 heures du Mans, et tous les gens qu'on ne peut pas avoir sur la Formule 1, on va les mettre là-bas. Pourquoi Alpine et Renault ne disent pas, eh ben on va... Alors certes, ce serait prendre un petit peu la nourriture de la bouche à Mecha-Chrome, mais dire, ben, on va faire quelque chose avec... Et à Signatec. Mais Signatec, ils peuvent le garder, parce qu'aujourd'hui, c'est que le département moteur, donc Signatec peut continuer à exploiter. De toute façon, c'est une obligation du règlement WEC que ce soit une équipe privée qui exploite le truc, donc là-dessus il n'y a pas de souci, puisque c'est Penske avec Porsche, c'est AF Corse avec Ferrari, c'est Iron Lynx avec Lamborghini, etc., etc. Donc là-dessus il n'y a pas de... C'est Peugeot. C'est Total Energy. Alors Peugeot, ça aurait dû être Peugeot, c'est un peu compliqué parce que c'est eux, mais je crois que il y a c'est un peu parce que leur projet s'était un peu cassé la gueule avec l'équipe privée qu'ils avaient initialement. Mais normalement, oui, il y a une obligation, en tout cas, parce qu'il y a un opérateur, on va dire, de privé par rapport à la marque. Et en tout cas, le moteur, il y aurait quoi faire mieux que ce qu'il prévoit de faire. Parce que la Viry, concrètement, si la F1 part, ça va être un moteur à hydrogène pour un prototype dont on ne cesse de retarder l'arrivée en compétition, même si le projet doit être intéressant et tout ça. La Formule E pour Nissan, qui est un moteur qui est quand même assez limité dans son développement. Et d'autres moteurs qui sont des 4 cylindres thermiques sur lesquels est basé pour l'instant le moteur à hydrogène et qui servent dans des compétitions diverses et variées où Renault fait de la compé client. Donc autant vous dire que pour des gens qui ont passé des années à développer des moteurs de Formule 1, ça va pas être la joie absolue. Et non. Sachant que les gens qui ont passé des années à développer le moteur de Formule 1, déjà ils vont pas développer le moteur Formule E, puisque ceux qui étaient dans la partie électrique peuvent, mais ceux qui étaient dans la partie thermique de toute façon sont coincés. Donc ah oui, c'était Rebellion avec Peugeot, merci. Et Rebellion, finalement, l'a pas fait, mais du coup, Peugeot a eu cette espèce de dérogation. Et Toyota aussi. Mais après, je sais pas si c'est obligatoire quand c'est un constructeur LMH, du coup. Puisque Ferrari le fait avec AF Corse, mais voilà. Mais c'est vrai que Toyota le fait pas et Peugeot le fait pas non plus, donc c'est peut-être pas obligatoire quand c'est du LMH. J'avoue qu'à force, il y a tellement de règles qui sont ajoutées que je sais plus. Mais en tout cas, je sais que quand c'est un LMDH, c'est obligatoire. Donc. Alpine étant MDH, ils ont obligation de garder Signatec dans la boucle. Voilà, en tout cas pour les news un petit peu de Alpine. Et puis on va finir avec Steak F1. On va quand même avancer parce qu'il est déjà un peu tard. L'avantage, c'est que ça va aller assez vite. Déjà, en course, bon, pas grand-chose à dire. Hein, c'était pas terrible. Ils avaient dit « Ah, ça va aller mieux ce week-end !» Non. Ils sont toujours nettement derniers. Joe prend une valise. J'ai assuré que Monza, c'est... Par Bottas, c'est une demi-seconde en qualif, je crois. Ouais, c'est ça. Une demi-seconde quand le reste du peloton s'y tient en une seconde, quoi. Donc, seconde en libre, une demi-seconde en qualif, mais bon, c'était plutôt une seconde en libre. C'est catastrophique. Et par contre, Mattia Binotto a arboré un magnifique polo Audi ce week-end, puisqu'il était présent sur place, et il a dit que dans les potentiels candidat au baquet, donc parmi lesquels il y a Mick Schumacher, notamment William Lawson, Mick Schumacher dont on sent encore une fois que malheureusement ça va lui passer sous le nez. S'ajoutait Théo Pourchaire, qui est pour le coup c'est un pilote de l'académie, et Gabriel Bortoleto. Alors là c'est une grosse surprise parce que lui il est dans l'académie McLaren et apparemment Binotto le tient en haute estime. Donc Bortoleto qui a fait une magnifique course en plus ce week-end en partant 22e en terminant premier grâce à un bel arrêt, une bonne stratégie opportuniste, mais aussi un beau pilotage, évidemment, puisqu'on ne fait pas 22 à premier sans être très bon. Mais voilà, donc, encore une fois, de toute façon, chez Steak, je pense que là, aujourd'hui, on est totalement à l'arrêt sur les développements. Ils ont mis vaguement un package pour que les pilotes puissent avoir un semblant d'espoir, mais je pense qu'eux, ils veulent être tout derniers pour avoir le max de développement l'an prochain. Et je pense que début 2025, ils sont nulle part aussi. De toute façon, eux, ils veulent développer sur 2026 à fond. Et après il y aura l'identité du pilote. Donc là aujourd'hui les candidats sont Lawson, Pourchaire, Schumacher, Bortoleto, Bottas quand même, pas exclu. Bottas, merci. Joe a discuté aussi, mais bon, on n'y croit pas trop. Joe, j'y crois plus. Joe avec ce qu'il montre cette année, c'est catastrophique. Okay. Et oui, et puis quand même Binotto et Donner qui étaient là aussi, le PDG d'Audi, qui a quand même ils ont quand même tapé tous les deux du poing sur la table pour dire que c'était quand même pas acceptable. Donc ouais, parce que ouais, ils avaient pas de, ils étaient pas en chemisette Steak F1, hein. On est Audi, on n'est pas, oui. On n'est pas cette. Ah mais Binotto, tu avais vu après oui, la. C'est ça, mais tu as remarqué parce que tu vois les photos que je récupère des équipes dans toutes les images de presse de Steak F1 qu'on a reçues. Je crois qu'il y en a quand même quasiment 300 sur le week-end. Toutes les images diffusées par les médias presse, il n'y a aucune photo dedans de Binotto avec la chemisette Steak F1, alors qu'il l'a pourtant portée puisqu'on les a sur XPB. Ouais. Exactement, donc c'est quand même, ça veut quand même dire pas mal de choses. Et oui, voilà. Et c'est ça, parce que du coup, nous, on est en train de dire ça et vous vous dites peut-être c'est un peu n'importe quoi ou c'est très anecdotique, mais pas du tout. La com dans les équipes de Formule 1, et spécialement, alors là pour avoir vu un peu, parce que j'ai eu pas mal d'interviews chez Alpha et tout ça, et du coup j'ai très souvent parlé avec les gens de chez Sauber, notamment Will qui est très gentil, et Katrina aussi, et maintenant c'est Guido qui gère la com de chez Audi. Alors lui il est encore plus strict que les deux autres, et très clairement c'est pas du tout un hasard s'il n'y a pas de photos de Binotto avec les couleurs de Steak dans les photos de chez Audi et Steak. Donc voilà, après effectivement Alcadi Bortoleto pour moi va être pris parce que les sponsors brésiliens doivent être bien garnis. Framboisier dit avec Pocher récupère Intermarché. Pourquoi pas, mais voilà, moi je pense quand même que. Sachant que Intermarché a racheté Casino en France, est-ce que du coup on se retrouve quand même pas avec des casinos sur les casinos de Casino de Steak? Ah, c'est compliqué. Oh là là. Non, mais du coup, les pubs pour les casinos étant interdites, est-ce qu'ils auront des problèmes en Belgique? Ça, c'est une autre question. Non, voilà. À Bortoleto, chez Audi, oui, bah, faudrait que McLaren le libère, hein, clairement, ouais. parce que chez McLaren, ils ont compris que Norris Piastri, ça devrait quand même durer une paire d'années. Est-ce que ça peut être un prêt à long terme? Voilà, est-ce qu'on peut dire pendant 3 ans, pendant 5 ans, on n'y touche pas? Parce que je pense pas que Audi ait envie de former Bortoleto pour le relibérer dans 2 ans, quoi. Non. Clairement, donc c'est forcément. Bah, faut pas oublier. Surtout que là, maintenant, ils commencent à dire, et ça, c'est Binotto qui l'a dit. On réfléchit, parce qu'au départ, ils étaient très axés sur l'expérience. On disait, on va mettre probablement Bottas avec Hülkenberg pour engranger un maximum d'expérience, tout ça. Aujourd'hui, Binotto a dit, on réfléchit à mettre un deuxième pilote avec Hülkenberg, qui soit un jeune pilote, parce que ce serait le fer de lance, en gros, de l'équipe, la jeune tête du truc, et qui lui resterait à long terme. Ce qui, pour moi, valide et appuie l'hypothèse d'un Lawson, mais pas en prêt du coup, et bien en achat, s'il n'a pas le baquet chez RBF1. En récupération, même pas en achat. Parce qu'il oui, enfin en récupération, parce qu'il serait free agent. Donc, On aura une réponse 30 septembre ou plus tard. Hein, donc, ouais, c'est ça. C'est fin septembre que l'option de Red Bull s'arrête sur le contrat sur la partie F1 du contrat, ouais, de Lawson. Voilà. Et après, si c'est pas lui. Pour moi, ça se tenterait de mettre Théo Pourchaire. Et malheureusement, si Théo Pourchaire n'est pas pris, il faudra aussi se poser la question de pourquoi les portes se ferment devant lui, un peu à la Schumacher. Mais ça, c'est aussi toujours le côté un peu cruel de la chose. Et on n'a pas non plus de réponse sur le pourquoi Schwarzman. Hein. Bah non, parce qu'encore une fois, ils ont souhaité une très bonne continuation pour la suite après cette séance d'essai. Et du coup, j'ai l'impression que depuis, son nom est totalement évaporé. C'est ça. Donc c'était un peu lunaire. Même si Schwarzman s'est imposé aux 6 heures du circuit Asie Americas avec l'équipe AF Corse et Robert Kubica et Yifillet, pardon. Voilà, c'était juste pour placer la victoire de Robert Kubica qui m'a fait très plaisir. Et de cette magnifique Ferrari jaune aussi. Voilà, bon, je sais pas, je crois qu'on a un peu perdu le chat parce que j'ai lu. Je suis plus Côte de Bœuf et juste en dessous Brochette F1, donc je sais pas où ça en est. J'ai pas suivi votre discussion, mais ah si, c'était par rapport à Intermarché, je sais pas. Mais voilà, donc je pense que c'est ça marque la fin de cette émission. On va juste faire le pronostic pour Bakou, puisque maintenant les pronostics sont attendus et qu'en plus on commence à avoir raison, donc autant profiter. J'ai déjà le prono d'Alex, c'est Perez, Verstappen et Norris. Tu vas dire, ouais, circuit urbain, Bakou, tout ça, roi des circuits urbains, voilà. Donc Alex et Perez, Verstappen, je suis sûr qu'il va me défoncer quand il va entendre le podcast. Il y a moyen. Toujours. Donc voilà, donc vas-y. Ah, chaud encore. Hein, putain, c'est chaud. Alors, moi, je mets déjà la pole de Leclerc, ça j'ai envie. Ouais. Je sens que Leclerc va nous sortir parce qu'il est très à l'aise là-bas. Et du coup, je vais dire victoire de Leclerc. Je vais dire, il enchaîne et il gagne à Bakou. Je ne vois pas gagner à Singapour, mais je vois bien gagner à Bakou. Devant Norris et Piastri. Parce que je vois les Mercedes encore un peu en retrait. Je vois le même podium, mais dans un autre ordre différent. Et je vois Norris. Est-ce que Norris est à la régulière devant Piastri ou est-ce que Piastri l'a laissé passer? Je pense qu'il sera à la régulière, mais que Piastri aura eu interdiction de l'attaquer. En début de course. Ah oui, c'est précis quand même. Ah bah là oui, mais maintenant on est obligé de jouer un peu la précision parce que sinon c'est pas drôle. Quitte à donner un pronom un peu osé, autant donner les contextes. Ah, voilà, là, c'est chaud quand même. C'est le temps que tu réfléchis, je réponds juste à Josifro qui dit qui remplace Magnussen. On ne sait pas encore. Nous, on mise un peu sur Berman, mais il ne faut pas exclure un Fittipaldi et ça dépendra beaucoup du visa pour déplacement en Azerbaïdjan qui n'est pas aussi facile à avoir qu'en Europe. Eh ben écoute, figure-toi que je mettrais Sainz, Leclerc. Ouh. Ouais, je vois bien doubler Ferrari. Et derrière, t'es McLaren, circuit urbain, 90 degrés, pas forcément à l'aise. Mais ils sont quand même bons là. Allez, Norris quand même sur le podium. Ouais, ils sont bons partout, McLaren. Pour moi, ils sont sur le podium. Ça va être le week-end où ça va se passer dramatiquement mal pour eux. Mais voilà, non, moi je vois bien. Et je mettrai même plus loin, je sais pas à quelle place, Perez devant Verstappen. Ouh, la grosse cote. Et ben moi, je mets Verstappen en abandon parce que je pense que ça va mal se passer. Et qu'à un moment. Et je pense qu'à Singapour, il va juste être assez loin, mais je pense qu'il va y avoir une petite erreur de sa part ou un truc qui va mal se passer. Et... Parce qu'il faut qu'on ait une fin de saison où ça, c'est, ça se joue, quoi. On a envie que ça joue à la fin de saison. Ça joue. Ah oui, Fittipaldi est engagé en IndyCar ce week-end. Alors, effectivement, ça risque de pas être lui, du coup. Parce que, en plus, je pense que, vu que c'est une quatrième voiture pour Hall et Thurman Lanigan, je ne pense pas. Non, si Giovinazzi n'a rien de prévu, logiquement, c'est lui qui doit y être. Ah oui, c'est Ferrari. Ah oui, du coup Berman sera. Oui. Oui, c'est non, le problème de Ferrari, c'est d'avoir son réserviste. Oui, c'est ça. Ouais. Au pire, il y a Schwarzman qui peut appeler, parce qu'il est aussi pilote Ferrari. Ah non, mais s'il y a Dewey qui sera aussi pas disponible. Bah, Schwarzman, il est à la fois russe et peut-être que lui pour aller en Azerbaïdjan, c'est moins compliqué. C'est vrai qu'il est russo-israélien, c'est pas. ça n'ouvre pas des portes dans tous les pays, malheureusement. C'est le même Fittipaldi. Oui, c'est le même. Ouais, oui, c'est bien. Même que Enzo, lui, est engagé en F2. À temps plein et Pietro effectivement roule un peu partout, hein. Il fait beaucoup de piges et là il est effectivement réserviste assez fin, enfin pas réserviste assez fin, du coup il peut l'être mais il est pas tout le temps et il est il y a les 6 heures de Fuji, bon bah ça règle beaucoup le problème et du coup ça en pose pour si c'est pas Berman ça risque d'être compliqué, ouais. Ah oui, donc du coup il y a, parce que ça veut dire que Schwarzman n'est pas dispo, Giovinazzi n'est pas dispo, voilà, donc, et Fittipaldi n'est pas dispo. C'est voilà, ben voilà, donc du coup pourquoi le nom de Berman ne pouvait pas être officiellement voilà, il y a un vrai problème de pilote de réserve pour Ferrari. Alors vu qu'on a vu Kimi Raikkonen dans les stands, est-ce qu'il peut pas être réserviste chez Ferrari? Il était pas chez Ferrari ce week-end, mais c'est pas grave, c'est pour moi je dis que Mick Schumacher ce serait énorme. Après il y a des prêts entre équipes, il y en a aussi, hein. Prêté en réserviste, c'est-à-dire qu'il y a un accord pour que Mick Schumacher puisse rouler chez Ferrari au cas où. Ouais, il connaît la maison, Mercedes a déjà fait avec McLaren et Aston Martin, donc pourquoi pas, hein. Ouais, voilà, c'est quand même important, hein, Baku, d'avoir un réserviste, parce que je peux pas porter malheur à qui que ce soit. Mais, non, mais s'il y a une sortie de piste, ça tape. Donc, voilà, ça peut faire mal, ça peut faire mal à un poignet, comme on l'a vu avec Ricciardo, à une jambe, voilà, ça peut vite faire mal. Ça peut être pas grand chose, mais ça peut être suffisant pour être écarté. Ouais. C'est ça, donc il est important d'avoir un réserviste apte et performant. Donc, Là, les discussions doivent aller bon train, et effectivement, Berman, certainement, fait rien. Ah, bah si, Mick, il court avec Alpine en WEC. Pardon, je t'ai coupé, mais. Donc, Mick, il sera pas disponible. En fait, le WEC pompe l'intégralité des réservistes de la F1. Ah, chaud. Arthur Leclerc, oui. Oui, mais il est plus trop dans l'Académie Ferrari, bien. Bah, surtout, ouais, surtout que. Bon courage. Je suis pas sûr qu'il a sa super licence. Avec la règle de Covid, il doit l'avoir, je pense. Mais. Je sais pas. Et c'est oui, donc ouais, là, c'est histoire de prêt, là, ça c'est une histoire de prêt de. Ouais, bah écoute. Nikita Mazepin. Non. Du coup, Mazepin va remplacer Magnussen, ce sera plus simple. On laisse Berman réserviste chez Ferrari. Est-ce que Magnussen peut être lui-même son propre réserviste et se déguiser? Est-ce qu'il peut dire, ok, vous me suspendez, mais la semaine prochaine, parce que là c'est hyper compliqué niveau planning. Sergeant. C'est pas déconnant en même temps. Tu vois, parce que t'as Harry Ford qui dit Sergeant, je plaisante, et t'as deux derrière qui disent Sergeant de manière ultra sérieuse. Ouais. Bah, c'est pas déconnant, hein, mais bon. Douane chez As. Ocon, Sergeant. Du coup, ils arrivent à libérer Ocon, et puis Douane fait ses débuts chez Alpine. Ça pourrait aider Alpine. Le retour de Vettel, bon là après on va commencer à avoir des trucs. Non, il y aura des prêts de réservistes. Il y a, c'est vrai qu'en plus avec Fuji, effectivement, c'est vrai qu'il y a énormément de pilotes de réserve qui sont pas dispo. Ouais. Avant que la vanne soit faite, Mika Hakkinen a bien annoncé sa retraite, il n'est plus en année sabbatique. Donc ce sera pas lui. Magnussen avec des lunettes et une fausse moustache. Il va arriver en mode Magnum, avec une grosse moustache, des lunettes de soleil, une chemise hawaïenne, il va dire mais c'est qui ce mec? Eh ouais, Berman, c'est pas aussi. Non, il n'est pas suspendu pour Singapour, Framboisier. Il est bien suspendu pour Bakou. Hein, puisque c'est Bakou devant Singapour. Genre, allez-y, donc on y est. Allez, let's go. C'est pas évident. Ouais, en fait, il y a une plus grosse cote sur le remplaçant de Magnussen que je le pensais. Effectivement, quand Vasseur a sorti ça, je pense pas qu'il avait en tête aussi tout ce calendrier WEC derrière. Ouais. Effectivement, c'est compliqué. C'est compliqué, effectivement. Et ben... qui sont les amis de Ferrari S'il y a une news incroyable la semaine prochaine, ça nous fera l'occasion de vous faire une émission. Puis voilà. Bah voilà, c'est ça exactement. T'es où pour cher, hein? Ah. Et oui, du coup, Ferrari, parce que là, il a pas de lien, mais finalement, du coup, Client Ferrari steak, hein. Donc. Tout à l'heure, on a éteint littéralement cette option, mais du coup, là, avec les développements qu'on vient de réfléchir. Pourquoi pas? Parce que c'est vrai que c'est assez compliqué. Là, j'avoue que c'est difficile à. Oui, de toute façon, il faut une roue de secours pour Ferrari. Ah, bah oui, pas chaud. Et au pire, Ferrari aura la priorité sur la roue de secours et Berman sera chez eux. Après, c'est As qui démerde. Et As n'aurait qu'un seul pilote, ouais. Ouais. C'est possible aussi, hein, ils peuvent rouler quelques seules voitures. Ouais, ça ferait plus de pièces à casser pour Hülkenberg si besoin. Parce que je rappelle. Si la FIA accepterait ça quand même d'un bon oeil, mais bon. Non, je suis pas sûr. Hein. Ouais. Je crois que. Plus sérieusement, quand tu engages une voiture, il y a l'obligation d'engager deux voitures et une équipe. Forcément le vendredi matin, sauf si effectivement un des pilotes Ferrari tombe malade avant même le début des libres. Mm. Il commencerait le week-end et puis bon. Jos Verstappen. Max Verstappen. Peut-être que Max va faire un pari sur sa carrière. En allant rouler chez As. Lewis Hamilton directement. Ah bah oui. On fait rouler Kimi Antonelli. Ah bah oui, tout simplement. Antonelli, ah oui, Hamilton réservé chez Ferrari, et du coup... En vrai, il n'y a pas de pilote de réserve. Si, ils ont des réservistes, mais là, du coup, on est loin des réservistes de la F1, parce qu'en fait, les réservistes de la F1 sont titulaires en WEC. Puisque ça reste quand même des très bons pilotes, globalement. Le retour de Stoffel. Et bah non, Stoffel, il est chez Peugeot, en WEC. Il y a Drugovic, par contre. Non ? Oui. Oui, Drugovic, il roule pas en... Il roule nulle part, cette année, Drugovic. Il roule nulle part, ouais. L'an prochain, il roulera sûrement avec Aston Martin en WEC. Ouais, Drugovic, c'est une option aussi. Oui, c'est pas une option déconnante, mais du coup, ouais, ça fait un sacré jeu de chaise musicale parmi les réservistes. Mais encore une fois, on est dans un cas qui aurait pu déjà se produire des tas de fois, puisque on a eu plein de fois Van Dorn prêté à McLaren, Drugovic prêté machin, donc c'est des trucs qui auraient largement pu se produire et qui en fait ne sont jamais produits parce que les titulaires étaient en place. Bienvenue à Niretou qui passe son premier message qui dit « Je viens d'arriver, vous avez déjà parlé du Canyon. » Oui, on en a parlé au moment d'Aston Martin. L'émission sera en replay sur Twitch et YouTube dans quelques minutes quand on l'aura fini, donc tu pourras regarder tout ça. YouTube d'ici un quart d'heure, 20 minutes, grosso modo, après la fin du live. Voilà. Et tout de suite après, là, une fois qu'on aura coupé le stream. Sur Twitch et pour quelques jours. Sur Twitch pour les abonnés ou les followers, je ne sais plus. Followers, je crois. Oui, les followers, voilà. Il faut nous suivre. Il faut nous suivre, donc, voilà. Ou si vous ne l'avez pas fait, faites-le. Voilà. Et ben, on va finir comme ça. Et puis. On redit juste nos pronos maintenant, parce que sinon, après, on va redéfinir. Oui. Sainz, Leclerc, Norris et Perez finit devant Verstappen. Allez, voilà. Et moi, j'ai dit Leclerc, Norris, Piastri avec consigne que Piastri n'a pas le droit d'attaquer. Norris et abandon de Verstappen. Comme ça, Norris reprend 18 points à Verstappen, 62 moins 18, ça fait 44 et là ça joue. Voilà. Sur ces bons mots. Sur ces bonnes paroles, nous vous souhaitons évidemment une bonne fin de soirée, une très bonne semaine, un bon week-end d'attente. Après, on aura deux courses très intéressantes. Là, on aura un doublé de courses passionnant avec Bakou et Singapour. Vous savez, c'est des courses animées globalement. Déjà que ce sont des courses animées quand les saisons sont chiantes. Donc là, qu'on a une saison très folle, à mon avis, ça va être deux très très beaux grands prix avec des belles surprises, je pense. Surtout Singapour où la gestion des voitures est très compliquée. Vous étonnez pas si on a des clients inattendus en Q3 et des éliminations inattendues en Q1. D'ici là, s'il y a une grosse nouvelle au niveau de Théo Pourchaire par exemple ou autre, on vous fera évidemment un petit live. New Way mérite un petit live de fin d'après-midi comme on le fait quand il y a des infos. Et puis bah, portez-vous bien d'ici là. Merci de nous avoir suivis ce soir encore. Merci toujours pour votre soutien renouvelé et permanent. Et puis on vous souhaite une bonne semaine et à très bientôt. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao. Ciao, bonne soirée.